vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Véronique Mir vient dans l'émission un petit peu me sauver ce matin à 7h30. Je ne serai pas toute seule. Et David Ferron viendra nous présenter le nouveau numéro du Zone Campus ainsi que sa carte bleachée. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 28 mars. Déjà, ça veut dire qu'avril approche vraiment beaucoup trop rapidement. Il reste simplement 30 jours avant la fin de l'année scolaire. Oui, nous, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Vous me reconnaissez probablement, Tania Baudin, à l'antenne de C'est fou en remplacement de Mathieu Plante pendant encore un bon petit temps. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il va revenir. Il était avec nous hier au téléphone pour nous expliquer un petit peu la situation et on a su qu'on allait devoir faire de la physio et tout ça. Alors peut-être que Mathieu va devoir s'absenter encore plus longtemps qu'on croyait. Mais bon, on va toucher du bois pour qu'on puisse retrouver notre animateur maison avec nous le plus rapidement possible et surtout qu'il va s'en remettre le plus facilement et le plus rapidement, comme je le disais. Merci aux résidus plasmiques pour l'intro de l'émission. Aujourd'hui, si jamais vous voulez avoir tous les détails sur cette pièce musicale, eh bien, rendez-vous sur le site d'assemblagerequis.com. Avec moi, en studio, déjà en partant l'émission comme ça, j'ai Véronique Mir avec moi. Bon matin! Bon matin! Ça va bien? Oui, je suis contente que tu aies repris la barre. Bien, merci. Une voix féminine qui anime le tout. Bravo! Puis, pas condoléances, mais ouais, c'est bon rétablissement, Mathieu. Ben, je pense que présentement, ça va bien. Il voulait probablement juste nous montrer qu'il était capable de faire du patinage artistique ou peu importe. Ben, j'opterais pour une autre discipline si c'était lieu. Oui, c'est ça. Ouais. Moi aussi, je pense que je m'en tiendrai à la radio aussi chez toi, Mathieu, s'il vous plaît. Véronique, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui dans ta chronique? Ben oui, alors on tourne les pages de la Véroniclopédie. Exactement. De nouveau aujourd'hui. Alors, fidèle à mes habitudes, le sujet du bonheur me transporte toujours. Et d'ailleurs, je trouvais que la chanson d'aujourd'hui allait vraiment avec ça. Là, c'est vrai, hein? Oui. Mais il y a aussi ton intro qui va très bien avec ça. Alors, si tu me le permets, mais on va tout de suite aller écouter ton intro parce que moi, je trouve que ça me fait voyager ton intro. J'adore ça. Plus je pense, j'ai l'impression que j'ai besoin de vacances vraiment très rapidement. Ça, il y a les vagues aussi derrière. Ah oui, vraiment, là? Il manque juste un petit cocktail. Exactement. C'est la seule chose qui manque, un pina colada à 7h30 le matin, ce serait parfait. Je suis pas certaine, mais bon. Ça pourrait être raide un peu, là. Donc, on parle de bonheur aujourd'hui. Oui, entre autres, bonheur, baseball. Ah, OK. Pas baseball. D'ailleurs, l'origine du mot cocktail aussi, dont je vais vous parler aujourd'hui. Peut-être des faits surprenants sur le corps humain. Oh, OK. Hey, j'adore ça. Ouais. Je suis prête. Alors, on commence par le bonheur. Tu as sûrement entendu des gens dire, qui voient toujours les choses du bon côté, qui sont toujours de bonne humeur, qui disent qu'ils sont nés heureux, faits pour être heureux. Il y en a beaucoup, qui disent ça. Ouais. Donc, on se dit, des fois, on se demande, est-ce que ça se pourrait qu'on soit préprogrammé pour être heureux? Oui. Donc, est-ce qu'il existe un gène du bonheur comme pour notre couleur de cheveux. OK. Alors, il y a des recherches qui ont été faites et on a plusieurs réponses. Ah ouais? En fait, qui pourraient dire que la génétique serait en partie responsable du bonheur, mais pas totalement, parce que les choix de la personne font aussi la différence, mais en grande partie. Alors, tout ça a commencé avec les professeurs David Liken et Oak Telegen de l'Université du Minnesota qui ont un centre d'études pour étudier justement les familles et les jumeaux. Alors, eux se sont intéressés au bonheur de jumeaux, de paires de jumeaux monozygotes, donc identiques, et dizygotes qui sont différents. Et quand même, c'est une méga grosse étude. Ils ont observé 647 paires de jumeaux monozygotes et 733 de dizygotes. Méchante gang de jumeaux. C'est ça, je m'en dire. Au Minnesota. Fait du monde à la messe. Oui, c'est ça. Donc, ils ont d'abord observé ceux qui vivaient toujours ensemble pour voir est-ce qu'ils étaient heureux au même niveau. Alors, ils se sont rendus compte que le bonheur était fortement similaire chez les monozygotes, mais faiblement relié à celui de l'autre chez les dizygotes. OK. Alors, comme ils vivaient dans la même maison, avec la même famille et tout ça, bien, ils se sont dit, bon, puisqu'ils ont le même niveau de bonheur, ce n'est pas l'environnement qui joue, ça devrait être la génétique. Pour valider ça, ils sont allés vérifier auprès de couples de jumeaux qui, eux, n'habitaient pas ensemble, qui ont été séparés à la naissance. Et ils ont remarqué encore la même chose. Donc, ceux qui étaient identiques, si séparés, avaient le même niveau de bonheur. Ouais, c'est intéressant. Et les différents, un bonheur différent. Par contre, bon, tous les scientifiques qui ont fait des études là-dessus ne s'accordent pas sur le poids que notre bagage génétique peut avoir sur notre tendance à être heureux ou pas, mais on dit généralement que 50 % de notre sentiment général de bonheur est inscrit dans notre ADN. Fait que c'est quand même pas rien. OK. Et on a découvert, faut pas confondre bonheur et prédisposition au bonheur. Le fait d'avoir de la génétique de bonheur fait que toi, tu pourrais être plus heureuse, admettons que moi, si t'as plus de gènes du bonheur. Okay. Mais tes conditions de vie aussi, comme j'ai dit tantôt, vont avoir une influence. Donc, il y a un gène, le gène 5... Ils ont toujours des noms pas très friendly user. Là. Le gène 5-HTTLPR. Hein, fait que, ben oui, hein, quand même. Celui-là, là. Pourquoi pas l'avoir appelé Bozo, tu sais. C'est ça, exactement. Donc, qui fascine les scientifiques en ce moment. Donc, ce gène-là, dans la plupart des gènes, il y a une petite séquence qui est appelée le promoteur, dont le rôle, lui, est de réguler la fréquence à laquelle... C'est très technique, là. À laquelle l'information contenue dans le gène est utilisée pour fabriquer la protéine qui lui correspond. Si on faisait une analogie, le gène dans une recette de cuisine, le promoteur, ça permettrait de savoir s'il faut faire de la nourriture pour 6 ou 10 ou 12 personnes. En gros. Donc, le gène 5-HTT-LPR, lui, aide à produire la sérotonine. OK. Donc, l'hormone qu'on retrouve dans une bonne quantité d'antidépresseurs. Mm-hmm. Alors, le promoteur de ce gène-là existe sous deux formes dans la génétique, la forme courte et la forme longue. Donc, quand nos parents font ensemble le bébé, on peut soit avoir courte-courte, longue-longue ou courte et longue. Donc, le professeur Caspi et ses collègues en 2003 du King's College de Londres ont publié une étude qui a été renversante par rapport à cette génétique-là et la dépression pour savoir dans quelle mesure les événements de vie difficiles ou stressants comme une déception amoureuse, la perte d'un emploi, une fausse couche, une maladie, un deuil, pouvaient provoquer la dépression. Fait qu'ils ont quand même fait une vraiment grosse étude, donc leurs résultats sont vraiment parlants. Ils ont mesuré chez 847 jeunes néo-zélandais de 26 ans suivis depuis leur naissance. OK, donc quand mon même Dieu, quand même. Beaucoup de chiffres. Le nombre d'expériences éprouvantes qu'ils ont vécues au cours des 5 dernières années pour voir s'ils étaient en dépression aujourd'hui. OK. Et bien, c'est sûr que tous ceux qui avaient vécu beaucoup d'événements traumatiques, la dépression était reliée. Mais ce qui était vraiment marquant, c'est que les participants qui avaient la formule des gènes long-long, donc les allèles long-long, eux présentaient un taux relativement faible de dépression indépendamment des événements traumatiques. Ah, puis, vraiment très parlant. Donc, seulement 17 % des jeunes qui avaient la formule long-long avaient la dépression comparée à 33 % chez les autres. Mon Dieu! Fait que c'est quand même presque la moitié. Donc, on dit que ça a un effet protecteur, même pour les traumatismes vécus en enfance. Donc, ils ont aussi été validés ça, lesquels avaient vécu de la violence quand ils étaient jeunes ou la maltraitance et tout ça. Et là encore, pour ceux qui avaient la formule courte-courte, les participants victimes de maltraitance jeunes avait la dépression aujourd'hui à 63 % contre 30 % chez les formules long. Wow, quand même! Donc, ça serait un gène qui aurait quand même un bon pouvoir dans le bonheur ressenti aujourd'hui. Mais bon, ceux qui avaient les allèles courts, c'est sûr que c'est le fait d'avoir vécu des coups durs répétés qui peut mener à la dépression. Donc encore là, se rappeler que la génétique a une part à jouer, mais tous les événements de vie aussi sont là. Donc, les gènes ne déclenchent pas la dépression, mais abaissent son seuil de déclenchement. OK. Donc, voilà. Et on a mesuré aussi par imagerie, par résonance magnétique fonctionnelle. Oh, ça, c'est fun. Ça, c'est quand même bien pour voir les porteurs d'allèles courts exposés à des situations tristes ou anxiogènes, comment leur corps réagissait. OK, ouais. Et on s'est rendu compte que l'amygdale, qui est vraiment là, le centre des émotions du cerveau, s'active plus rapidement et fortement chez ceux qui ont la formule courte. Donc, OK. Quand ils vivent un événement traumatisant, stressant, anxiogène, ben ils vont avoir une réaction négative qui vont porter plus longtemps que ceux qui ont la formule longue ou courte-longue. OK. Donc, très technique ce matin, quand même. Mais très intéressant, tout génétique qui peut frapper dans le bonheur. Oui, c'est ça. Et ceux qui ont les allèles longs seraient porteurs d'optimisme génétique, dit-on aussi. Alors, qui créerait une espèce de distorsion protectrice qui voient tout le temps le verre à moitié plein, là, finalement? Ben, c'est ça. Par contre, ça, étant donné qu'eux sont tout le temps de bonne humeur, tout le temps « oh ouais, go for it » et tout ça, ben on dit qu'au niveau des opérations financières, ils seraient un peu moins bon. Ouais, c'est ça. Qui prendrait plus de risques. Gênes-là, moi. Mais moi aussi, je me disais... Garde mon portefeuille, je me reconnais là-dedans. Dépense plus rapide et tout ça. Et aussi, je sais pas si tu te souviens, mais en début d'année, j'avais parlé des pays qui étaient les plus heureux dans le monde. Oui, je me souviens. Puis on se dit, tu sais, c'est bizarre, en Amérique du Sud, tu sais, où il y a beaucoup de guerres, la drogue, les cartels et tout ça, il y a beaucoup de pays qui cotent fort dans le bonheur là-bas. Et là, on a découvert qu'il y avait beaucoup d'allèles longs là-bas. OK, exact. Donc, ça commence à... ce gène-là, là, crée beaucoup des... en tout cas, d'intérêt dans la communauté scientifique en ce moment. Mais il y a quand même d'autres gènes là, qui peuvent être porteurs de bonheur ou qui peuvent influencer le gène DRD4. Ah, ben oui, DRD4, c'est le frère d'R2D2. C'est ça. Il code pour les récepteurs, lui, qui capture la dopamine, donc l'hormone de la motivation. L'autre, COMT ou COMT. Ouais. Il est impliqué dans le fonctionnement du cortex préfrontal, donc la régulation des émotions. Puis il y en aurait d'autres, là, bon, pour les personnalités qui sont dites plus, j'allais dire exhibitionnistes, là, mais qui sont plus extraverties, qui seraient portées vers le bonheur. Donc la génétique, c'est quand même intéressant, mais pas évident à expliquer. Moi, non, c'est vrai. J'espère que vous en êtes quand même bien sortis. Ben oui, bien expliqué. On fait notre gros possible. C'est ça. Donc, il est 7h30 quand même. Oui, mais c'est ça. Mais bon, vous pourrez dire... donc, le fameux gène 5-HTT-LPR serait porteur de bonheur. C'est ça. Crée beaucoup d'émoi dans la communauté scientifique. Puis si vous avez deux allèles longs, eh bien là, vous êtes vraiment bien équipés pour être heureux dans la vie. À 50 % à tout le mois. C'est bon, ça. Okay. Ça se place bien dans une conversation sur l'heure du midi. Tu sais, pourquoi pas? Toi, ton gène, là, T'es-tu long? T'es-tu court? C'est ça. Puis pour continuer un petit peu sur cette vague-là, saviez-vous qu'un vrai sourire est appelé un sourire de Duchenne? Un sourire de Duchenne? Oui. Non, je savais pas ça, mais pourquoi? Ben, en fait, c'est un neurologue Duchenne. Ben, en fait, j'imagine que c'est Duchenne parce qu'il n'y a pas de S dans son nom. C'est D-U-C-H-E-N-N-E qui vient de Boulogne, qui a découvert comment reconnaître un vrai sourire au 19e siècle. Donc, la joie s'exprime par la contraction des muscles là, des yeux là, qui font les petites pattes de doigts. Oui. Et les joues se relèvent et font disparaître les poches sous les yeux, ce qu'on appelle les muscles zygomatiques. Donc, il y a des gens qui vont sourire juste avec, juste avec les yeux, mais c'est pas un vrai sourire. Donc, ça s'appelle un sourire de Duchenne. Oh, je savais pas ça. Quand même. Ça va être très intéressant. Et avant d'aller en musique, deux petits faits fast facts, comme j'aime bien, sur le monde du baseball. Hein? Donc, on sort vraiment à autre chose. Il y en a pour qui le bonheur, c'est le baseball. Ben, tu sais, pourquoi pas? Je trouvais ça le fun. J'ai trouvé des petites affaires comiques. Donc, pour attirer les spectateurs à un match de baseball opposant les Cleveland Indians voyons, qu'est-ce que je dis là? Cleveland Indians aux Texas Rangers. On disait qu'ils vendent des bières en fût à 10 sous. Là, j'ai pas l'année, je suis pas fière de moi, là, d'habitude je l'ai. Mais bon, des bières en fût à 10 sous. Ils se sont dit, tiens, on va attirer le monde comme ça. Ben, ça a vraiment pogné, hein? Ils ont vendu 60 000 bières. Wow! Et ça s'est terminé en bagarre générale sur le terrain. Et ce sont les Rangers qui ont gagné le match. Pour vrai? Ouais. Mon Dieu, hey, ça fait de la bière, ça. Ça fait de la bière, c'est, hein? C'est quelque chose. 60 000 bières, hey, bon, ça fait pas tant d'argent, mais quand même. Non, c'est vrai. Faudrait que je retrouve la date, là. Oui, c'est contre. Ça. Ça, là. Ça manque. Par contre, mon prochain Fast Facts, lui, j'ai les dates. Donc, durant les années 1970 et 1980, il y avait une constante dans certaines parties de baseball et c'était Morgana de Kissing Bandit. OK. Alors, c'était une blonde plantureuse qui arrivait sur le terrain et qui volait un baiser à un joueur au hasard, comme ça. Là, on ne dit pas si elle était habillée ou pas là, dans l'histoire. Et elle a été finalement arrêtée, là, parce que je sais pas comment elle faisait son compte, mais elle allait voler un baiser puis elle retournait en courant. Puis là, j'imagine tout le monde était juste « Ouais! » Ouais, c'est ça! Puis personne réagissait. Mais à un moment donné, ça s'est mis à déranger les parties, j'imagine, ou bon... Les gens étaient tannés. Là, je sais pas si elle a fait ça quand même pendant 10 ans. Peut-être que c'est devenu une vieille blague. Peut-être. Donc, elle a fini par être arrêtée en embrassant Nolan Ryan. OK. Il a pas été pour n'importe qui. Ben non, quand même. Donc, il va pour le tout, pour le tout. Hey, pourquoi pas? Donc, c'était Morgana de Kissing Bandit. Oh! Et on va parler au retour de... On va parler de l'origine du mot cocktail. Oh, le cocktail! Bien, nous, on va aller peut-être... frapper des balles ou du moins briser la glace. C'est la nouvelle entrée francophone de Pony au palmarès cette semaine. Alors voici Brise glace avec Pony. Glace, Pony, je me suis dit que ça fitait bien parce que pour faire des cocktails, parfois, il faut briser de la glace, mettre au fond du verre. Ouais, je suis d'accord. Et là, c'est de ça que tu nous parles. Tu nous parles de l'origine des cocktails. Oui, l'origine de mots. Est-ce qu'on a le petit fond? Ben oui, on l'a, il est là. Ah ah! Voilà. OK, OK. On est dans le sud parce maintenant. Parce que, tu sais, ça fit avec, le, avec l'ambiance. Ben, c'est quand ça. Même. On adore ça. Tu pinot Canada ou un margarita? Mmh, oui. Mmh. J'aime beaucoup les Blood de César aussi. Ah oui, hein? Hey, j'aimais pas ça dans le temps, là. Puis là, j'ai goûté à ça récemment. Puis j'ai fait, bon, ben, finalement, hein, c'est, ouais. C'est pas mauvais pantoute. Ouais, c'est vraiment un goût qui se développe. Moi aussi, c'est pareil. J'étais pas sûre au début. Puis là, on dirait qu'à chaque fois que je vais à quelque part, je suis, ah! Moi, c'est ceux-là de la cage au sport. Ah, entre apparemment, ils sont très, très bons. Ah hein? Oui, puis ils en font des spéciaux avec des ailes de poulet dessus, puis tout ça, là. Très bon. Donc, d'où vient le mot cocktail? Oui. Ben, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça vient pas de l'anglais. OK. C'est issu d'un pharmacien français qui s'est installé à la Nouvelle-Orléans, donc quand même un pays, ouais, quand même. Un état de fête, aux alentours du 18e siècle, qui fabriquait des mélanges de boissons à base d'alcool, de sucre, de citron et même d'absinthe. Hein, donc, ah ouais, ouais, très l'absinthe populaire, dans le temps. Dans ces années-là, la petite fée verte. Alors, pour doser ses préparations, il utilisait un coquetier. Ah! Et bien, précisément, ce mot prononcé à l'anglaise, donc cocktail, cocktail, cocktail, cocktail, a fini par donner cocktail. Donc, c'est les Autochtones là, qui le prononçaient mal. Et c'est devenu cocktail, qu'on connaît Dieu. Aujourd'hui. C'est le fun. OK, quand même. Okay. Donc, ça vient de coquetier, mais c'était quand même utilisé pour mélanger des boissons. Donc, on était pas loin de un cocktail, c'est quoi, t'sais? Ouais, c'est ça. On dit qu'être bercé aide à endormir les enfants. OK. Mais ça aide à endormir n'importe qui. En pour fait, vrai? Hein, quand on dort, des fois, où on se repose dans un hamac ou une chaise berçante, des fois, on peut comme tomber dans un petit état de somnolence ou de relax vraiment rapidement. Donc, le bercement double la vitesse d'endormissement. C'est quand même pas rien. Je savais pas. Mais c'est sûr que... Tu sais, c'est tout le temps, bon, comme n'importe quoi, ça dépend de tes préoccupations, ouais, plein d'affaires, ça. Mais quand même, tu sais, mettons, à la si base, t'es préoccupé, là, c'est ça. Tu te berces pour t'endormir, tu vas t'endormir plus vite que si tu tombes juste dans ton lit, tu sais. Donc, en 2011, il y a une chercheuse, Sophie Schwartz, de l'Université de Genève, donc chercheuse en neurosciences, qui, les résultats sont quand même mitigés parce que c'est juste 12 adultes, mais quand de 22 à 38 ans, considérés comme de bons dormeurs à des siestes de 45 minutes tout en suivant leur activité cérébrale. Donc, il y a un groupe qui dormait sur un lit normal, un groupe des 12, là. Oui, c'est ça. Puis l'autre sur un lit animé par un léger balancement. Et les enregistrements ont révélé que la stimulation rythmique perçue dans notre organisme synchronise l'activité des neurones, ce qui favorise l'endormissement. OK. Parce que quand on est réveillé, nos neurones, c'est vraiment chaotique, là, ils bougent dans tous les sens, toutes les connexions se font, toutes les toiles d'araignée là, sont activées, puis c'est des milliers de connexions. Mais quand on se berce, ça calme notre organisme, puis les neurones vont avoir un mouvement ou une activation qui est plus synchronisée. Donc, ça calme le système. Ça baisse la fréquence des ondes cérébrales, puis on tombe endormi plus vite. Je savais pas ça. Intéressant. Mais maintenant que t'en parles, ça fait du sens, parce que mon père, quand il se berce, il tombe tout le temps endormi. Dans des bateaux, des c'est fois, tu sais, puis tout ça. Est-ce que ça fait qu'on a un sommeil plus profond, sais-tu? Ça, je pourrais pas te dire. Je sais pas si ça a un effet à long terme. Peut-être. Ouais. Mais c'est sur l'endormissement que ça a été étudié. Peut-être qu'ils ont étudié aussi sur la longueur du sommeil. Je vais noter ça, je te reviendrai c'est là-dessus. C'est bon, ça. Et pendant qu'on est dans l'endormissement, ben justement, j'ai des petits fast facts sur le corps humain. Cool. Ça, on peut-être certains que tu connais déjà. OK. Mais quand même, qui m'ont fait rire ou un peu écœuré, hein, des fois. Ah ouais, des fois, il y en a qui sont pas super cute, hein. C'est ça. Donc, quand même, c'est mélangé. Là. J'en ai des écœurants, puis j'en ai des... c'est ça. Des pas écœurants. Donc, il n'y a pas que les animaux qui laissent leurs traces dans la maison, hein. Les humains perdent environ 600 000 particules de peau à l'heure. Okay, donc, lui, c'est 600 000, ça, c'est quand même pas rien. À l'heure, pas dans une journée, là, à l'heure. À l'heure, ouais. Environ 1,5 livre par année de particules de peau. Donc, on dit que d'ici à l'âge de 70 ans, on va avoir perdu environ 105 livres de peau. Oh mon Dieu! Colin, hein? C'est seulement. Ça se perd pas un an. C'est ça. Mais on serait pas bien beau si on perdait toutes ces particules de peau, là. Encore un peu dégueu, sur chaque pouce, peut-être que tu as déjà entendu celle-là, sur chaque pouce carré de peau de notre corps, il y a environ 32 millions de bactéries. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Hey, tu sais, chaque 32 pouce carré, millions. Yark. Mais heureusement, la grande majorité sont inoffensives. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas grave. On va dire qu'ils mangent les mauvaises. C'est ça, on va dire ça. On va se faire croire que... Un peu plus random, là, ni dégueu, ni bon neutre, un adulte a moins d'os qu'un bébé. Ah, ouais? Ouais. On est avec 350 os. OK. J'aurais dû te demander combien. Ouais, c'est ça. Te souviens-tu combien qu'on en a? Moi, je m'en souviens. Je me souviens pas. Attends, c'est pas... C'est pas aux alentours d'une centaine? Le double. OK. 206 os. Ben, ils font quoi, les os, quand ils se fusionnent? Oui, exactement, okay. C'est ça. Ils se fusionnent ensemble, ils s'unifient avec la croissance, comme la tête et tout ça. Donc, on a moins d'os vieux que bébé. Huh. Adulte, en fait. Quand on est adulte, quand on atteint notre forme adulte, on arrête là, de fusionner les os. Là. Mais bon, ça, c'est autre chose, là, les problèmes qui peuvent arriver. Ah, mon Dieu, oui. Savais-tu qu'on acquiert une muqueuse d'estomac de plus chaque 3 ou 4 jours? Ah non, je savais pas ça. Quand même! Sans ce renouvellement-là, les acides que l'estomac utilise pour digérer la nourriture seraient utilisés pour digérer l'estomac tant que tel. Ah mon Dieu, OK. Donc, on en produit chaque 3 ou 4 jours, une de plus. Donc, ça nous préserve. Hein? Ouais, donc, c'est quand ça, on dit qu'on a l'impression de se digérer, peut-être qu'on est dû pour c'est une muqueuse. C'est peut-être pour ça. Une encore un peu dégueu au niveau de la salive. Mettons que tu déciderais que tu arrêtes d'avaler là, ta salive pour toute ta vie. OK. Combien de litres de salive tu penses qu'un humain produit dans toute sa vie? Dans toute sa vie? Hey, ça doit être dégueulasse comme chiffre. C'est difficile parce que là, j'essaye de gager avec la salive que j'ai dans la bouche. Là, faut que tu comptes justement quand tu dors, quand tu parles, quand... Quand tu manges, quand t'en prends du plus. Je dirais un milliard de litres. Pas tant que ça. Okay. Pas tant que ça. Il y a 25 000 litres de salive. Oh, quand même. Mais, tu sais, physiquement, là, ça représente de remplir 2 piscines de taille standard. Arc. Fait que c'est quand même... Beaucoup. Oui, vraiment beaucoup. Tiens, je vais aller me baigner dans ma salive. Ben là, j'ai fini avec les trucs dégueu, là. Maintenant, standard. Donc, d'ici l'âge de 60 ans, 60 % des hommes et 40 % des femmes vont ronfler. OK. Quand même. Et un ronflement peut être assourdissant au niveau des décibels. On dit qu'un ronflement moyen, c'est 60 décibels, soit à peu près une conversation normale. Mais ça peut atteindre 80 décibels, ce qui est aussi fort quand même, que le bruit d'une perceuse à percussion qui brise le béton. Ah! Et salutations! Ah, non, c'est vrai! Mais... On pourrait en nommer quelqu'un! Ouais, c'est ça! Mais c'est pire quand t'es fatigué, hein? C'est plus fort quand t'es fatigué. Quand t'as bu aussi, exactement. Hein? Des fois, tu ronfles plus fort. Donc, quand même, un fort peut atteindre 80 décibels. Puis on dit qu'à partir de 85, ça peut être considéré dangereux pour Louis. Oui, mon Dieu! Mais on ne se rend pas là, jusqu'à là dans le ronflement. Mais on est quand même pas loin. Ouais, c'est ça. Notre nez n'est pas aussi sensible que celui d'un chien, mais combien d'odeurs différentes tu penses qu'on peut retenir? Oh my God! À pleine capacité ou un humain normal qui pense pas nécessairement à faire fonctionner son nez? Au max, là. OK, ouais. Au max. Je vais dire plus d'une centaine d'odeurs différentes. Oh oui, vraiment, vraiment plus. 50 000! Oh, hey, quand même! 50 000! Hey, je me demande... T'sais, si on faisait un inventaire des odeurs que je pense, je sais même pas si j'en aurais 50 000 c'est à ça. Dire. T'sais. Mais bon, si on considère toutes les sortes de parfums différents, exact. Toutes les épices, toutes les ci, ça. Donc, 50 000 odeurs. Donc, c'est pas autant qu'un chien qui peut en tenir là, des centaines de milliers, mais quand même. Hey, c'est fou! C'est intéressant. Au niveau des cheveux maintenant, ouais. Les blondes peuvent avoir plus ou moins de fun, mais ils ont certainement plus de cheveux. Ah, les blondes naturelles, par contre. Donc, la couleur des cheveux aide à déterminer la densité de la chevelure et les blonds arrivent au palmarès, au top de la liste. La tête humaine possède en moyenne 100 000 follicules pileux qui, eux, produisent 20 cheveux chacun. OK. C'est quand même beaucoup. Ouais, quand même, elle fait du stock sur la tête. C'est quand même, tu sais, pendant toute notre vie. Les blonds, eux, ils en ont 146 000. Après, tu penses que c'est lesquels? Là, il y a les blonds, les noirs, les bruns et les roux. OK. Après les blonds, je pense que je vais dire les roux. Les roux. Les roux arrivent en queue de liste avec 86 000. Ah, je suis triste. Donc, il te reste les noirs ou les bruns? Je veux dire, les noirs, souvent, ils ont l'air... tu sais, ceux qui ont les cheveux foncés, ils ont l'air d'en avoir beaucoup. Ouais, les noirs? T'as raison! Oui, Ouhou! C'est ça. Donc, ceux qui ont les cheveux noirs en ont environ 110 000 et les bruns en ont 100 000. OK, fait que les roux, ils en ont vraiment pas beaucoup. Vraiment moins. Oui, c'est ça. Donc, blond, noir, brun et roux pour la quantité de cheveux. Je me suis jamais arrêtée à ça, mais tu sais, il est normal qu'on coupe davantage nos ongles de main que nos ongles de pied. Ouais. Puis il y a des raisons pour okay. ça. Tu sais, j'ai trouvé ça dans un livre, là, c'est pas parce que ça m'intéressait particulièrement. La fille est comme, bon, pourquoi? Pourquoi donc, ça m'arrive? Ben, en fait, les ongles qui sont les plus exposés et les plus utilisés poussent plus vite. C'est pourquoi on coupe plus souvent nos ongles de main. Ouais. Nos ongles de main, de façon générale, mm-hmm. nous aussi, parce qu'il fait froid. Par contre, en été, ça se rattrape un peu parce qu'on met des sandales, des gougous, en tout cas, pour ceux qui en mettent, là, ouais, c'est parce ça. Qu'il y en a qui restent en souliers quand même. Les ongles poussent plus vite, ça, j'ai jamais remarqué non plus sur la main avec laquelle on écrit. Hey, moi, j'ai remarqué. Ah oui? Ouais. Ah ben, Colin. Je suis gauchère, puis j'ai tout le temps les ongles plus longs, mais je les casse tout le temps plus rapidement. Ah! À cause que je l'utilise tout le temps plus, c'est ça? Ouais, ben, oh oui, si, à cause des impacts Exactement. Possibles que tu peux avoir. Fait que quand même. Puis en moyenne, un ongle pousse d'un dixième de pouce par mois. OK. Ah, c'est pas... C'est quand même... Ouais, c'est bon. Mais on peut prendre des trucs qui font... comme les cheveux, oui, là, c'est ça, des espèces plus, de vitamines, là, oui. Nutricap et compagnie, là. Exactement. Donc, voilà pour les pages de la Véroniclopédie d'aujourd'hui. Non, merci! Ben, ça me fait plaisir! C'était très intéressant aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. Hey, les gènes, le corps humain, les souris, les cocktails. Exactement. Nous, on retourne. Bien, là, Véronique, elle m'a lancé sur l'idée avec ses cocktails puis sa petite musique de fond. On va parler voyage un petit peu. Tout ça au retour. Vous êtes à Assemblage Requis. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Il était une fois une princesse autonome qui vivait dans l'attente. D'absolument personne, sans télé, sans patron, sans mari et sans chaîne, avait fait sa maison dans une ruche sans reine, loin des princes charmants qui voudraient changer son nom. Prenait amant ou amant, selon les saisons. Peu envie, peu le goût d'être la moitié d'un tout. Le binôme, voyez-vous, ça reste une question de goût. Papa. assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Vous êtes toujours dans l'assemblage requis, accompagné de Tania Baudin. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va avoir David Ferron qui va venir nous présenter le nouveau numéro du Zone Campus qui a été travaillé jusqu'à très tard hier soir. Vous savez, Mathieu Plante, en plus d'être l'animateur du matin, c'est aussi le graphiste du Zone Campus. Donc, lorsque Mathieu nous a quittés, on a dû trouver de façon assez rapide d'autres graphistes qui pouvaient nous aider pour les numéros restants du Zone Campus. Donc, David va venir nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce numéro-là et comment ça s'est passé pour lui hier soir jusqu'à 11h, si j'ai bien compris. Donc, ça va être un petit peu plus tard aux alentours de 8h30, mais pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, Véronique Mire m'a donné le goût de parler de voyage un petit peu dans sa chronique. Je pense que c'est à cause de son thème musical, puis du fait qu'on parlait de cocktails, de pina colada et tout ça. Mais je suis tombée sur quelques articles, oui, qui étaient très intéressants, à savoir quelles sont les meilleures destinations mondiales pour faire le party. Bon, je vais vous avouer que je suis pas nécessairement une fille d'extrême party. Oui, j'aime sortir. Oui, j'aime avoir un verre avec mes amis. Mais tu sais, les gros parties là, où il y a beaucoup trop de monde, la plupart du temps, c'est pas trop mon genre de truc, mais j'aime beaucoup voyager. J'aime voir du pays et j'aime surtout la musique. Donc, de ce côté-là, si on peut avoir un amalgame de tout ça, c'est comme la recette parfaite au voyage. Et je suis tombée sur quelques destinations, justement, mondiales qui étaient les meilleures pour pouvoir voyager et faire ce type de party-là. Donc, la première, ça serait en Grèce, à Mykonos. On vous avait proposé, en fait, 13 choses à mettre sur une bucket list pour un voyage en Grèce sur le site. Et l'une d'entre elles était de profiter justement du nightlife de la Grèce. Et c'est un véritable party island. Donc, quand on parle de party island, vous comprendrez qu'on parle de l'île du party. C'est drôle parce que je regarde les photos puis ça me fait penser au beach club un peu. Mais cette île-là ne dort jamais ou du moins presque jamais. Parce qu'il paraît que le porter des vêtements, c'est très optionnel là-bas et que le hangover, c'est quelque chose d'assez courant. Donc, on a des parties à n'en plus finir sur cette fameuse île-là de la Grèce. Le deuxième endroit, c'est aux Pays-Bas, du côté d'Amsterdam. On parle surtout du Red Light District. Amsterdam, en fait, c'est la ville où les tabous n'existent pas ou presque pas, encore une fois. C'est connu à travers le monde pour être la BFF de la marijuana qui est légale. Et Amsterdam, c'est définitivement un endroit où aller pour faire le party, que ce soit pour la musique, que ce soit pour l'alcool ou que ce soit pour d'autres types de party que vous voulez faire. Apparemment que les Pays-Bas, Amsterdam, c'est la place où aller. La troisième endroit, c'est la Croatie. Ça s'appelle Novalja. En fait, c'est l'île de Pagues et c'est une deuxième Ibiza. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est comme une station balnéaire qui est extrêmement populaire et vous allez croiser assurément, oui, voilà, des party animals d'Europe et de partout dans le monde parce qu'apparemment que du côté touristique, cette île-là de la Croatie est assez remarquable. Elle fait parler d'elle un petit peu partout mondialement et il paraît que le spring break là-bas, c'est vraiment très démentiel. C'est rien comparé à Miami que West Palm ou peu importe. Donc, si jamais vous voulez vous taper un bon spring break pour un gros party, bien, vous pouvez aussi envisager et regarder les montants des billets pour la Croatie parce qu'il semblerait que c'est une destination remarquable. Le quatrième endroit où vous pouvez aller faire le party et surtout, bien évidemment, voyager, on parle de l'Inde à Goa. C'est le lieu de naissance de la musique trans-psychédélique. Donc, le Goa, c'est une des meilleures destinations en Inde pour disparaître dans la nature. Surtout, vous allez disparaître dans la culture, mais la musique fait extrêmement partie de cette équation-là. Faire le party en Inde, c'est extrêmement épique, apparemment. C'est comment je pourrais dire? Ça vous... ça vous change de votre petit coin de pays. C'est très déstabilisant, apparemment, mais semblerait que c'est une destination qui est une des plus belles aussi en termes de tout ce qui est nourriture, tu sais, tout ce qui est la formule de vouloir voyager pour faire un party. C'est sûr que lorsqu'on décide d'aller faire le party, il n'y a pas simplement la musique et tout ça. Il y a parfois aussi ce qu'on va avoir autour de nous, la nourriture qu'on va y manger, ce qu'on va y boire. Donc, si on met toutes ces petites équations-là ensemble, apparemment que l'Inde et Goa, c'est une des très bonnes destinations pour ça. Par la suite, en Espagne, à Ibiza, si vous avez jamais entendu parler d'Ibiza, en fait, il est vraiment temps que vous sortiez de votre grotte, parce que je pense que tout le monde a déjà entendu parler à un certain point d'Ibiza. C'est parmi les centaines de parties destinations à travers le monde. C'est toujours, je pense qu'Ibiza va rester comme au top de la liste pendant extrêmement longtemps. Il n'y a rien à dire de plus. Si vous passez par l'Espagne, vous devez absolument aller faire un tour à Ibiza. Si vous êtes du style, justement, party animal ou party tout court juste un soir dans votre voyage, la Ibiza en Espagne, c'est une des destinations qu'il faut absolument visiter. Par la suite, on y va un petit peu plus du côté des destinations qu'on n'aurait pas nécessairement tout le temps pensé. Je parle de la France à Saint-Tropez. C'est l'endroit idéal pour pouvoir spotter une célébrité si vous êtes du style paparazzi style un peu. Imaginez-vous et vos amis en train de justement faire le party aux côtés des personnes les plus célèbres dans le monde. Bien, Saint-Tropez en France, c'est un petit peu là où que ça peut arriver parce que vous pouvez très bien tombé sur quelqu'un de connu là-bas. C'est assez courant qu'on va voir Beyoncé, Rihanna. Lewis Hamilton y va aussi assez souvent. Donc, si vous êtes du genre à vous dire, bon, moi, je veux party, mais je veux party avec du monde qui sont connus, bien, rendez-vous à Saint-Tropez. Vous avez probablement pas mal plus de chances de rencontrer quelqu'un de célèbre là que si vous alliez, par exemple, je sais pas moi, au Mumba à Laval. Tu sais, ça dépend d'où vous allez. Par la suite, la septième destination, il en reste seulement deux après ça, c'est la Corée du Sud à Séoul. En fait, lorsqu'on pense à la Corée du Sud, on pense pas nécessairement à faire le party, mais vous allez être surpris à quel point le nightlife de Séoul, c'est rien comparé à tout ce que vous pouvez vous imaginer. Séoul, ça fait partie des meilleures party cities à travers le monde et les Coréens boivent deux fois plus que les Russes. Attention, là, les Russes, en plus, boivent déjà plus que les Québécois. Donc, ça vous donne une idée de comment est-ce que ça peut devenir un immense party si vous allez là-bas. Et évidemment, la Corée du Sud, c'est pas, comme on le disait, c'est pas une destination à laquelle on pense nécessairement pour aller faire le party. Mais si vous êtes déjà à vouloir vous aventurer dans le domaine de qui est-ce qui va boire le plus entre les Coréens et les Québécois? Bien, regardez les prix pour la Corée du Sud. La huitième destination, eh bien, un incontournable, Las Vegas aux États-Unis. On le sait tous, ce qui se passe à Vegas, en théorie, reste à Vegas. Je vais vous dire que c'est très, très rare que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, tout dépendant de votre histoire. Mais Las Vegas, c'est probablement la première destination qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez nightlife, voyage et tout ça. Et surtout, quand même assez abordable selon le voyage que vous voulez faire. Et vous avez raison, en fait, parce que la ville de Las Vegas ne dort jamais. Là, quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Si vous y allez, on vous conseille, en fait, d'avoir beaucoup d'argent parce que les nuits folles risquent quand même de vous coûter très, très cher. Un bras, une jambe, peut-être même un foie si vous êtes du style à avoir le coude assez heavy par en arrière. Mais c'est un très bel endroit parce que, comme on dit, cette ville-là ne dort jamais. Donc, vous pouvez passer exactement tout le temps que vous allez y être dans différentes boîtes de nuit et la plupart du temps, vous n'aurez pas nécessairement besoin de sortir de votre hôtel pour faire tout ça. Vous allez pouvoir aller au nightclub de votre hôtel et pouvoir y passer la nuit ou la soirée ou la semaine, tout dépendant. Et la dernière destination, en fait, c'est Koh Phangan en Thaïlande. Ces temps-ci, tout le monde va en Thaïlande. C'est une des destinations voyage, je pense, les plus prisées pour le moment. Et tout le monde sur notre Facebook a déjà envahi notre feed justement de ces photos de voyage en backpack ou en amoureux en Thaïlande. On adore ça, ça fait des super belles photos. Nous, on a tout le temps l'impression que ces gens-là sont sur Pinterest là, puis qu'ils font juste chercher des photos, mais non, ils sont vraiment là. Et si vous avez le goût d'aller en Thaïlande, bien, allez-y. C'est beau, c'est dépaysant, mais surtout, le nightlife, apparemment, est débile là-bas. Surtout les full moon parties, c'est-à-dire des dizaines de milliers de personnes qui se réunissent sous la pleine lune, sur le bord de la plage, tous les mois. Et apparemment que c'est, comme je disais, c'est très dépaysant. On revient de cette expérience-là assez changée, parce qu'on va y rencontrer des gens qui sont de partout dans le monde, justement, parce que on le sait, c'est quand même assez fou de pouvoir voyager comme ça en Thaïlande. C'est pas seulement les Québécois qui y vont, c'est vraiment tout le monde sur la planète qui semble avoir comme une histoire d'amour inconditionnelle envers la Thaïlande présentement. Donc, c'est sûr que si vous allez participer au Full Moon Party en Thaïlande, et vous allez rencontrer des gens que vous ne pensiez jamais rencontrer. Vous allez probablement vous faire des nouveaux amis. Et par la suite, ça amène à de nouveaux voyages. Donc, c'est merveilleux. J'ai aussi une option pour ceux qui croient être trop pauvres pour partir en vacances, parce que là, on vient de parler des 9 destinations mondiales où c'est bon d'aller faire le party. Mais il y a 9 villes à découvrir ici même au Québec. Si vous pensez que vous êtes beaucoup trop pauvre pour partir en vacances, eh bien, vous pouvez tout simplement faire votre sac à dos, remplir votre tank à gaz et partir ici même au Québec. Parce qu'au risque de se répéter, bien, le beau temps arrive, on vous le promet. C'est pas nécessairement vrai ce matin, OK, on le sait, mais en théorie, le beau temps arrive et au début, vous allez vous promener dans les rues de votre ville, vous allez vous faire bronzer au parc, vous allez prendre une sangria sur la terrasse de votre bar préféré, vous allez voir vos amis, mais éventuellement, vous allez avoir envie de sortir de votre coin de pays, de votre coin de ville et je pense que tout le monde a déjà passé comme ça dans un été là, où on se dit, OK, là, qu'est-ce que je fais? J'ai pas nécessairement d'argent pour partir en voyage, donc... Si vous ne pouvez pas vous permettre de voler vers d'autres endroits, sachez que votre été n'est quand même pas à l'eau pour autant, parce que c'est pour ça que les road trips ont été inventés. C'est sûr que si vous avez déjà vu Québec et Montréal de fond en comble, ça ne vous tente pas nécessairement d'aller vous faire griller la couenne à Old Archer, parce que ça ressemble un petit peu à ça. Et ne désespérez pas, parce qu'il y a beaucoup de places qui sont super belles et très moins connues. Qui sont parfois moins connus dans une grande province comme la nôtre, qui valent quand même la peine d'être redécouverts ou découvertes. Et vous pouvez facilement vous y rendre en auto. Donc, la première destination, c'est Percé en Gaspésie. Donc, on en a déjà discuté un petit peu, mais la Gaspésie, ça regorge de magnifiques paysages à explorer et surtout la route pour se rendre là-bas. Donc, sur la route vers Percé, vous allez pouvoir arrêter au parc national Forillon avec sa vue sur la région. Vous allez pouvoir aussi voir la baie des Chaleurs, le golfe du Saint-Laurent. Et ensuite, vous allez vous prélasser sur les nombreuses plages du coin. Pour ceux qui aiment... justement faire de la plage, se faire griller et tout ça, eh bien, vous allez pouvoir admirer le fameux rocher percé à côté ou étendu sur une plage. Et c'est surtout, comme je le disais, la route, le fameux road trip pour se rendre en Gaspésie qui va être extrêmement beau et qui devrait vous donner de très belles photos. Par la suite, on parle des îles de la Madeleine, Cap aux Meules. On hésitait, en fait, selon l'article, à le mettre dans la liste parce que c'est beaucoup plus loin. C'est quand même assez dispendieux s'y rendre, mais il faut passer par le Nouveau-Brunswick pour se rendre sur l'île du Prince-Édouard et on doit prendre par la suite un bateau. Mais c'est tellement l'un des plus beaux coins du Québec avec ses plages de sable rouge et ses petites maisonnettes colorées qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas le mettre? Parfois, on veut d'autres options qui sont vraiment plus paysante. Donc, de devoir justement passer par le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et prendre un bateau, c'est quand même assez dépaysant. Et surtout, si on fait ça avec des amis qui sont quand même proches de nous, bien, ça nous donne une toute autre optique à tout ça. Par la suite, on parle de Charlevoix, la Côte-Nord, plus précisément Tadoussac. Vous le savez, Tadoussac, c'est reconnu pour l'observation des baleines. Donc, c'est aussi un joli petit village qui est quasi pittoresque. Et en plus, lorsque vous allez être sur la route, bien apparemment qu'il y a de merveilleuses choses à regarder. Si vous faites un petit peu le tour, que ce soit de Pinterest ou de Google, si vous tapez, par exemple, la route pour se rendre à Charlevoix, apparemment qu'il y a des paysages à couper le souffle. Donc, si vous êtes un adepte de photographie, c'est une des routes que vous voulez emprunter durant l'été pour justement pouvoir faire de la photo à votre guise. Par la suite, Chaudière-Appalaches, on parle de l'île aux grues. Si vous vous dites, OK, on fait un road trip, mais juste d'une journée, eh bien, il y a différents classiques tours de l'île d'Orléans, mais vous faites suivre les traces de l'artiste québécois Jean-Paul Riopelle et vous allez rapporter un des délicieux fromages qui a été produit sur l'île. En plus, vous pouvez prendre gratuitement un traversier à partir de Montmagny. Vous allez aller découvrir le coin de la région de Chaudière-Appalaches. Et si j'étais vous, j'irais aussi faire un tour au refuge d'oiseaux de Cap-Saint-Ignace. C'est 10 minutes plus loin et ça vaut extrêmement la peine apparemment. C'est super beau. Encore une fois, vous allez pouvoir prendre des photos qui vont être à couper le souffle, oui. Et vous allez comme devenir la vedette de votre propre Instagram avec ces photos-là apparemment. Par la suite, on se déplace du côté des cantons de l'Est à Lac-Mégantic en Estrie. Si vous êtes passionné par le ciel et les étoiles, bien c'est tellement dur à saisir qu'on peut pas nécessairement toucher à ça. Donc, on peut juste aller à l'observatoire au sommet d'une montagne du parc national du Mont-Mégantic. Ça vaut la peine et ça vaut la peine aussi d'aller visiter ce fameux lac-là et les villages autour, surtout pour le côté historique maintenant de tout ce qui s'est passé au Lac-Mégantic. Si vous êtes du côté historique un petit peu, ça peut être quelque chose que vous allez aimer contempler. La prochaine destination, c'est Stanseed en Estrie, encore une fois dans les cantons de l'Est. C'est le petit village de Stanseed, c'est cute, il y a des maisons à l'anglaise. C'est aussi là qu'on retrouve la plus spéciale rue du monde, qui est Can USA, où d'un côté, toutes les voitures ont des plaques américaines et de l'autre, des plaques canadiennes. Donc, on peut aller profiter, en fait, pour se promener ailleurs dans cette belle région-là. Vous allez pouvoir voir la maison qui, justement, si le monsieur se lève, il est au Canada. S'il va déjeuner, il est aux États-Unis. C'est cette fameuse ligne-là. C'est à Stanseed que ça se passe et vous pouvez en faire un excellent road trip. Prochaine destination, il m'en reste quand même quelques-unes, mais la prochaine destination, c'est Mont-Tremblant aux Laurentides, dans les Laurentides, en fait, bien que c'est très reconnu pour l'hiver, pour le ski et toutes les activités qu'on peut y faire, eh bien, c'est le genre de place aussi où, au printemps ou en été, c'est extrêmement beau à cause justement des couleurs qu'on va avoir dans les arbres et à cause des couleurs qui vont ressortir du temps de l'hiver en temps normal. Donc, avec le village piétonnier, qui est coloré. Il y a de nombreuses activités estivales. Il y a le parc national aussi. Il y a plusieurs festivals de musique. Si vous êtes déjà à aimer le blues, si vous êtes déjà à aimer les festivals de nourriture aussi, eh bien, regardez ce qui se passe du côté de Mont-Tremblant parce que c'est un peu la formule gagnante d'un week-end, soit entre amis ou soit en couple, qu'on veut parfois faire, mais qu'on n'a pas nécessairement l'argent pour décider d'aller passer 3 jours dans le sud. Eh bien, Mont-Tremblant, c'est un petit peu comme ça. Vous pourrez être à la fois dépaysé de tout ce qui va vous entourer lorsque vous allez aller là-bas. Une des destinations qui se retrouve dans la liste des 9 villes à découvrir au Québec, si on est trop pauvre pour partir en vacances, eh bien, vous allez peut-être être surpris comme moi, mais on retrouve Cap-de-la-Madeleine en Mauricie. En fait, Trois-Rivières, on parle d'une ville qui arrête pas de se démarquer côté tourisme. Donc, on parle de nous dans cet article-là. J'ai été quand même surprise. Et on a une belle offre de spectacles, de restaurants, d'activités culturelles. Et pour un moment en nature, eh bien, on peut profiter du parc du Sanctuaire Notre-Dame du Cap. Donc, c'est sûr que si nous, on est déjà ici et qu'on est tanné de passer du temps ici en Mauricie, on va partir pour une autre destination. Mais il y a certaines personnes qui vont sortir de leur destination pour se rendre ici. Et si vous êtes genre à connaître le sanctuaire Notre-Dame du Cap, eh bien, vous savez à quel point ça fait jaser côté tourisme. Même chose pour nos restaurants. En fait, la rue des Forges, c'est une des rues qui est la plus reconnue pour tout ce qui est terrasse. Tout ce qui est activité culinaire ici à Trois-Rivières, c'est extrêmement reconnu. Donc, je suis quand même contente de voir le Cap de la Madeleine sur une liste comme ça dans les 9 villes à découvrir au Québec. Par la suite, on parle du lac Saint-Jean à Péribonka, au Saguenay. C'est la route principale qui fait le tour du lac Saint-Jean qui passe par ce village-là. Donc, d'un côté, vous allez avoir l'immense lac et de l'autre, vous allez avoir Péribonka. On va prendre le temps de s'arrêter pour prendre un café sur la terrasse d'un des petits restos sur le bord de l'eau. C'est super super beau à couper le souffle. Et de plus, bien, c'est à deux pas du parc national de la Pointe Taillon. Donc, si vous êtes du style à vouloir faire des activités en nature, eh bien, vous allez pouvoir faire du vélo, vous allez pouvoir faire du camping. Il y a un zoo, il y a aussi un parc animalier. Il y a des cueillettes de bleuets qui se font dans ce coin-là. Il y a aussi du rafting. Donc, pour les amateurs de plein air et les amateurs de tout ce qui est activités extérieures, eh bien, le lac Saint-Jean à Péribonka au Saguenay semble être une excellente idée. C'était les 9 villes à découvrir au Québec si on est trop pauvre pour partir en vacances. Mais je crois que quand même, si on se dit trop pauvre pour partir en vacances, si on décide de se faire un de ces fameux road trips-là, ça devrait être assez intéressant. Merci quand même, parce qu'on a vraiment de très belles destinations ici au Québec. Et plus je regarde ça, plus je me dis, on n'a pas nécessairement besoin de sortir de notre belle province pour être dépaysé. On a tout simplement besoin d'aller dans la ville d'à côté et ça va faire très bien la job. Au retour, David Ferron nous parle du nouveau numéro du Zone Campus. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Oh que oui, vous êtes toujours à l'antenne de Cifou 89.1 FM dans l'émission Assemblage Requis. J'ai en ma compagnie en studio David Ferron qui a terminé de travailler extrêmement tard hier soir. Salut Tania! Bon matin! Ça va? Très bien, merci toi! Oui, merci! Dis-moi, comment s'est passée ta soirée hier soir? Ben finalement, ça s'est mieux passé que la dernière fois, parce qu'on était vraiment échevelés. Ouais, OK. Mais non, cette fois-ci, on a eu plus le temps de faire le zone campus, donc c'est sûr que graphiquement, on a eu plus le temps d'apporter les petites touches, les petits détails nécessaires pour que le rendu soit beau. Mm-hmm. Donc là-dessus, on est content. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Mathieu, on sait ce qui est arrivé. Oui, oui. Donc, on n'a plus besoin de revenir sur ce scandale. Non, en effet, c'est ça. Ouais. C'est dit. Alors, est-ce que tu es prêt pour la chronique Zone Campus? Oui. Excellent, on part ça immédiatement. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Un journal qui frappe, c'est vrai, c'est le cas de le dire. Vous êtes rentré travailler en fin de semaine. Oui, exactement. Donc, samedi, en fait, pour raconter le contexte, Mathieu, on le sait que... Oui, c'est ça. C'est ça. On ne reviendra plus là-dessus. Ça. Si d'ailleurs Mathieu nous écoute, ben on le salue pas. Non, c'est vrai. Ben non, c'est pas vrai. J'espère qu'il passe quand même, il prend le temps de se reposer puis qu'il prend soin de lui pour qu'il revienne plus fort. On espère. Ben oui, comme dirait si bien Kanye West, « Better, stronger, faster ». Exactement, c'est ce qu'il dit apparemment. Oui, donc écoute pas nécessairement Kanye West, mais revient quand même tout en forme. Donc, il a fallu dans le Zone Campus, pas celui qui est apparu ce matin, mais l'autre d'avant, on a eu un infographiste qui a dépanné. Mais finalement, il n'était pas disponible, donc il a fallu trouver un autre infographiste. Mm-hmm. Et là, finalement, Facebook... est venu à notre rescousse un petit peu. Oui, exactement. Donc, j'ai crié à l'aide, j'ai lancé des fumées de signalisation sur Facebook pour lancer à l'aide, jusqu'à temps que quelqu'un, en fait, un ancien collègue en histoire, Jason Rivet, tag, excusez-moi de l'expression, je sais pas s'il y a un terme en français, mais tag Stéphane Jutras, mm-hmm. qui est un gars que j'ai connu en histoire également et qui il a des talents d'infographiste aussi. OK. Donc, lui, finalement, il a dit hey, « je serais intéressé ». Puis là, pendant que j'animais mon émission, j'étais en train de parler avec Stéphane. Fait que je faisais les deux en même temps. Puis en plus, j'avais du monde du complice qui organise justement le gala des 5 continents qui était avec moi, qui attendait. Donc, c'était vraiment... Le jeudi, c'était fou. C'était une journée folle, en effet. Oui, mais là, Stéphane a accepté. Fait que donc, ça, c'est le plus important. Donc, après ça, vu que vendredi, malheureusement, il était pas personne était disponible... Mm-hmm. Donc, oui, pendant que on entend du bruit de fond. C'est vrai, on aurait dit que ça faisait partie de la trame sonore, c'est correct. Ah, ben c'est le fun, c'est bien intégré. Pour donc... ceux qui ne savent pas, c'est le téléphone à David qui vient de sonner. Donc, là-dessus, aussi, finalement, bon, on a pu samedi de 9h le matin jusqu'à 8h le soir. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment cool. Donc, Stéphane a très vite compris comment ça fonctionnait, le montage. Donc, comme un pro, comme s'il était né avec le logiciel InDesign. Parce qu'il connaissait déjà le logiciel, tu sais, c'est facile à comprendre. Oui, quand même. Mais faut que tu saches les subtilités. Mais Stéphane, tu savais quand même très bien comment le faire. Et hier, finalement, bon, on a terminé de 4h le soir jusqu'à 10h30 le soir. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on nous présente aujourd'hui dans le Zone Campus? Donc, là-dessus, je voulais avant remercier Stéphane, parce que vraiment, je pense qu'on s'en est bien tiré. C'est en grande partie grâce à lui si on peut vous présenter un Zone Campus. Donc, qu'est-ce qu'on présente? Je sais pas, est-ce que je présente le front tout de suite, la page 2? Comment tu veux, je présente ça? C'est comme ça? Tu veux. Donc, le front... on dirait que depuis un certain temps, on aime ça présenter des fronts baroques. Mm-hmm. Donc, c'est le cas. C'est encore une page sportive. Oui. Donc, sérieusement, les équipes sportives féminines s'illustrent chez les Patriotes ces temps-ci. Après le volleyball, c'est le soccer féminin. Ils n'ont pas nécessairement gagné le championnat, mais ils sont allés en demi-finale, ce qui est quand même un très gros exploit, là. Oui, exact. Donc, le titre, c'est une fin de saison remplie d'espoir. Et là, on voit la gardienne de dos en train de botter le ballon. C'est ça. Et c'est romantique, hein? C'est si bien dit, on croirait que c'est de la poésie. Oui, mais là, on a juste la version imprimée, mais la version couleur sort dans quelques minutes, donc on a hâte de voir ça. Oui. On désespère de le voir pour vrai. Oui, vraiment, on a hâte, en fait. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui se retrouve en deuxième page, David? Beaucoup de choses. Oui, ouais, il y a du stock, là. Oui, parce que l'actualité, il y a beaucoup de choses à l'université, des remises de prix, des personnes qui se distinguent. Donc, faut souligner ça, mais on a juste... en fait, absolument, en actualité, on a 4 pages, mais là, on a 5 pages. Mm-hmm. Puis même là, on se creusait les ménages pour trouver de la place. Oh, que oui. Ça, on aime ça. Oui, exactement. C'est un beau défi aussi. C'est pour ça que vraiment, on a travaillé fort pour pouvoir tout incorporer, pour pas éliminer personne. Donc, il y a 3 choses à la page 2. Absolument, il y a une actualité, puis mon petit mot doux de la rédaction. Ouais. Donc, il y a aussi le petit mot de la rédaction. J'ai failli d'appeler ça le petit mot de la rédaction. T'aurais pu, hein? Mais bref, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, d'abord, c'est la conférence de Mathieu Bonin. Mathieu Bonin, qui est connu, si je me trompe pas, c'est quelqu'un qui fait des capsules web ou des chroniques ou je sais pas trop quoi. J'avoue que je connais pas trop l'œuvre de Mathieu Bonin, mais il est venu, en fait, pas parler de son œuvre, mais plutôt des épreuves des derniers mois qu'il a traversées. Donc, la bipolarité en tant que telle, donc, il explique comment c'est arrivé, comment qu'il a appris à surmonter aussi ses difficultés et ses défis. Il y a le CA de... En fait, le dernier CA qui a lieu le 19 mars dernier, donc un dimanche. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Il y a eu notamment une question de cotisation, des hausses de cotisation. Il y a également aussi le CERO. Le CERO, ça, c'est le comité d'évaluation des rapports des officiers. Mais en fait, l'exécutif, les membres de l'exécutif de la JQTR doivent remettre un rapport à tous les mois sur ce qu'ils ont fait. Et par rapport à leur plan de match. Donc, ils remettent un rapport. Le CERO évalue si ça atteint les objectifs ou non. Mm-hmm. Et là, il y a un officier ou une officière qui a eu un mensonge de blâme. Oh! Donc, on va vous laisser lire l'article. Et aussi, finalement, la Chasse-Galerie et la JQTR ont 2 statuts légaux finalement différents, ce qui veut dire que la Chasse-Galerie va pouvoir avoir son propre permis. Oh, d'accord. Et ce qui permet aussi aux étudiants internationaux de se présenter au sein de l'exécutif de la JQTR. Là, ça, on l'avait expliqué un petit peu dans le premier numéro de janvier. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est très complexe, mais allez lire nos archives. Mm-hmm. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, finalement, la Chasse-Galerie va pouvoir avoir ses permis d'alcool. Exactement. On parle aussi de la cérémonie de distinction au QTR. Oui, donc parce qu'on a 2 de nos collègues qui se sont illustrés. Bien, il y a 4 étudiants qui se sont illustrés. Il y a Pierre Morin du campus de Drummondville qui s'est illustré. Il paraîtrait que c'est la première fois que le QTR récompense un étudiant à l'extérieur du campus à Trois-Rivières. Oh, d'accord. Donc, c'est une première. Il y a également Alassania Kouyi, qui est également aussi chroniqueuse en arts et spectacles et impliquée dans toutes sortes de choses. Mm-hmm. Donc, aussi, c'est elle, la directrice générale des élections notamment. Donc, elle est impliquée dans pas mal d'affaires. Il y a également un de ses confrères du complice, Guy-François Valérie Aïssi Eyébé, qui a gagné aussi un prix, notamment pour être un des piliers de complices, c'est le regroupement des étudiants internationaux. Et il y a également Caroline Rouillard, la présidente du groupe des médias étudiants, qui ont gagné un prix. Oui, exactement. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens. Par la suite, on passe à l'actualité. On parle de violences sexuelles en milieu universitaire. Oui, exactement, parce qu'il y a eu deux conférences là-dessus qui ont été organisées par le groupe d'action femmes. Donc, il y a eu deux conférences. C'est deux journées d'affilée. La première, ça a été offerte par Sandrine Ricci, qui est doctorante en sociologie et chargée de cours à l'UQAM. Et elle, ce qu'elle découvre, c'est qu'elle a fait une étude avec quasiment 10 000 personnes. Mm-hmm. Et ce qu'elle découvre, c'est qu'une personne sur trois subit des violences sexuelles en milieu universitaire. Donc, on pense que l'université, c'est un milieu où c'est plus exempt, mais non, pas du tout. Donc, c'est quand même beaucoup. Et le lendemain, c'était Judith Lucier et Lily Boisvert, deux chroniqueuses que j'adore. Mm-hmm. D'ailleurs, je trouve ça vraiment plate. Là, c'est une petite parenthèse personnelle que Judith Lucier ait délaissé sa chronique au métro. Ça, je trouve ça vraiment plate. Hein. Donc, parce que c'est deux femmes qui sont très pertinentes, qui ont des propos aussi, puis sont pas moralisatrices, quoi que ce soit. Elles sont cinglantes, elles ont de l'humour, sont punchées, sont très intéressantes. Sérieusement, si vous êtes un vieux mononcle cochon, vous méritez d'avoir une petite claque. Ben, c'est une métaphore, là, une petite claque sur les figures. Par ces deux femmes-là parce qu'elles sont très... Je regrette d'avoir manqué cette conférence-là, mais ça parlait de la culture du viol. Donc, pour expliquer à notre ami Éric Duhem qu'est-ce que c'est que la culture du viol... Ah, je suis méchant un matin. Ah, mon Dieu, hein, t'es plein de... Oui. Donc, c'est... en fait, les deux conférencières ont expliqué ça, que c'est ce qui se passe avant, pendant et après une agression sexuelle. Donc, mm-hmm. c'est pas juste le pendant, mais aussi ce qui arrive, mettons, le processus aussi, comment les personnes réagissent après un viol aussi. Puis ça, c'est encore flou. Oui. Le processus légal et tout. Donc, la culture du viol, c'est ce qui arrive pas seulement pendant, mais autour. Exactement. Par la suite, en page 4, eh bien, on parle des colloques, des opportunités qui sont enrichissantes. Eh oui, exactement, parce qu'il y a eu deux... Ben en fait, il y en a eu plusieurs colloques, mais il y en a eu deux qui ont, en fait, qui ont marqué l'attention des ondes campus. D'abord, c'est le colloque multidisciplinaire de la GQTR. Ça, c'est un colloque que le vice-président au cycle supérieur a organisé à chaque année. Donc, c'est Alexandre Côté qui est vice-président de ce poste-là, qui est vice-président sortant, qui organise ça et ça permet à des étudiants en maîtrise au doctorat d'offrir une conférence. Mm-hmm. Et il y a des bourses de 200 $ aux conférenciers. Et ça permet justement à la communauté étudiante de se rencontrer, de se réunir. Et après ça, ça finit à la bonne franquette parce qu'il y avait un 5 à 7, 20 fromages. Oh! Et il y avait un autre colloque, c'est celui de l'AEH. Donc, ça dure depuis, je ne me rappelle plus combien d'années, au moins 6-7 ans. C'était au moins la 7e édition, au moins. L'AEH qui est l'Association des étudiants en histoire, c'est ça? Oui, exactement. On est partout. Ben oui! Donc, qui regarde un colloque et ça invite pas seulement les étudiants, mais aussi les chargés de cours et les professeurs aussi. Donc, c'est vraiment un tremplin pour les étudiants qui veulent commencer à offrir des conférences parce que plus qu'en sciences humaines, tu t'en vas dans tes études le plus loin possible, par exemple maîtrise ou doctorat, d'avoir ces plateformes-là à l'UQTR pour pouvoir offrir l'état des connaissances, c'est un très bon départ. Mm-hmm. Oui, ben oui, vraiment. Pour des plus gros colloques de plus grande envergure aussi. Donc, ça vaut vraiment la peine d'encourager ça. On parle aussi du concours d'affiches scientifiques qui avait lieu la semaine dernière. Oui, exactement. Donc, c'est le titre « Exposé de savoir » écrit par Caroline Bodin. Donc, on sait qu'il y a des gagnants, mais aussi, elle nous dresse un petit portrait de Karen Christine Gonzalvez, qui, elle, est une étudiante qui ne parlait pas le français l'année dernière et qui une affiche scientifique. C'est comme si t'es pas en forme puis que tu devais courir le marathon. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, elle nous explique un peu le portrait de Karen Christine. Par la suite, on parle « Cerveau en tête, ce que le cerveau regarde ». Et ça, c'est toi qui l'as écrit. Oui, je suis bon pour trouver des titres particuliers. Donc, pourquoi le cerveau regarde? C'est qu'en fait, je suis allé dans une conférence qui est offerte par le chargé de cours en psychologie, Sébastien Etu. Et M. Etu nous parlait du cerveau social. Le cerveau social, c'est le cerveau qui va s'adapter selon les conditionnements sociaux. Là, je donne un exemple, c'est qu'il y avait un test des lignes. Les chercheurs ont invité des gens. Mm-hmm. Donc, à dire, regardez, il y a deux lignes. Vous devez dire qu'elles sont de la même grandeur, même si elles ne sont pas de la même grandeur. Pour que la personne testée, qui comme l'invité, finisse par dire la même chose. Et là, après ça, ils ont pris des scans pour voir le cerveau, en fait, comment il réagissait. Donc, ce mélange entre examen de cerveau, conditionnement social et recherche en laboratoire. Oh, très intéressant. Et cerveau en tête, en fait, j'appelle tant ça cerveau en fête, mais cerveau en tête, c'est une semaine. Et là, je crois que c'est la troisième ou la quatrième édition. OK, ouais, c'est ça. À l'UQTR, parce que ça, c'est un mouvement qui est mondial, mais à l'UQTR, ça fait quelques années que ça existe et il y avait des conférences tout au long de la semaine du 13 mars. On adore ça. On parle aussi des journées multiculturelles de l'UQTR. Oui, qui est organisée par le Complice, donc le mouvement des étudiants internationaux. Et c'est qu'à chaque année, les associations internationales, que ce soit, par exemple, l'association... en fait, il y a même une nouvelle association qui est l'association... là, en français, je me rappelle plus c'est quoi exactement le nom de l'association, mais c'est l'association iranienne avec l'association indienne qui se sont réunies pour faire une association. Et là, d'ailleurs, il va y avoir un party Bollywood le 12 avril. Donc, malheureusement, on ne pourra pas nécessairement couvrir, en fait, sur le papier, parce que ouais. Le numéro sort le 11 dans exact. Deux semaines. Mais bon, ça risque d'être très bien. Ils ont l'air d'être bien organisés, mais il y a d'autres associations aussi, comme l'association des étudiants chinois aussi. OK. Donc, je pense que c'était la première fois qu'ils venaient. Il y a l'association aussi des Français Outre-mer. Donc, par exemple, la Martinique. Là, j'oublie, là. Je suis un peu mentalement fatigué. Mais, ça va, on te pardonne. Merci. Donc, c'était bien. C'était chacune de ces associations-là qui organisait un kiosque au Hall Gilles-Boulet. Excellent. On parle aussi du côté de l'éditorial de Samuel Pedreau-Beauchemin qui nous présente son mécontentement pour Yves Lévesque. Oui, exactement. Donc, le titre, c'est d'or Yves Lévesque. Donc, on voit, en fait, son opinion, en fait, je dirais pas très favorable, malheureusement, parce que c'est quand même une bonne personne, Yves Lévesque, quand on le rencontre. Mais c'est sûr qu'il peut être critiqué comme homme public. Ben, ça se peut qu'au privé, mais que... Tu peux être critiqué, ça arrive. Mm-hmm. Donc là-dessus... Surtout du côté politique, là, il faut que tu t'attendes à ça. Oui, c'est ça. Côté politique, c'est normal. Notamment, en fait, Pedro dénonce... en fait, les passages pour les piétons, c'est vrai qu'à Trois-Rivières, le côté piétonnier, c'est pas très... excusez-moi l'expression, mais user-friendly. Ouais, c'est ça. C'est pas mis de l'avant, mettons. Oui, exactement. Donc aussi, il dénonce le projet Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Donc, qui cause une gentrification, ce qui veut dire que tu construis des quartiers de riches dans ces coins-là, ce qui empêche les gens qui sont plus défavorisés, qui habitent dans les alentours, de pouvoir avoir des logements abordables. Exactement. Par la suite, toujours en actualité, oui. On parle du plateau de travail de l'UQTR. On veut tous collaborer ensemble. Oui, exactement. Donc, le plateau de Trois-Rivières, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont la chance de s'intégrer sur le marché de l'emploi et qui travaillent à l'UQTR. Pour différents postes, notamment on peut les voir à la cafétéria mm-hmm. aussi, notamment à la conciergerie aussi. Donc, c'est l'occasion, en fait, pour des gens qui ont une déficience de pouvoir s'intégrer au milieu de travail, de pouvoir collaborer aussi avec les différents départements de l'UQTR aussi. Donc, c'est un portrait du plateau de l'UQTR. Et ils sont très gentils en passant. Oui, si vous les croisez, là, dites-leur bonjour, ça leur fait toujours plaisir. Ben oui. Par la suite, on parle de l'activité Le communautaire, c'est salutaire. On en avait discuté jeudi dernier avec Samuel qui était venu nous en parler en studio. Mais là, on en parle dans un campus. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que c'est que Le communautaire, c'est salutaire? C'est la troisième édition cette année. Donc, là-dessus, c'est une journée où ce que les organismes communautaires de la région, en fait, la majorité, je pense, viennent de Trois-Rivières. Il y en avait une quarantaine cette année. Donc, pendant de 10h à 2h cette année, les organismes communautaires avaient leur kiosque pour présenter j'allais dire produits, mais c'est pas du tout ça les services qu'ils offrent aussi. Et ce qui est bien, c'est que ça permet justement aux organismes communautaires et la communauté étudiante de se rencontrer parce que ça a l'air qu'avant, il n'y avait pas tant que ça de... Mm-hmm. Ben, il y a de la collaboration, mais ça a l'air que c'est vraiment une bonne journée pour ça, notamment pour les étudiantes en psychoéducation, de se trouver un endroit pour un stage aussi, notamment, ou de s'impliquer bénévolement aussi pour enrichir leur CV, mais pas juste ça, pour connaître d'autres expériences aussi. Puis également, notamment, le projet Psycho-Clown, qui sont des étudiants qui s'habillent en clown. Ben, pas mm-hmm. juste ça, en fait. Le concept, c'est qu'ils se déguisent en clown, en personnage, okay. pour aller dans des endroits où c'est pas nécessairement jojo, comme mm-hmm. Des centres palliatifs, par ouais. exemple. Donc, il y a notamment des... Un peu un style de Patch Adams. Oui, exactement. Donc, pour mettre un peu de joie dans ces endroits-là. On parle aussi dans cette page-là de l'UQTR et du Vietnam. Oui, l'UQTR est au Vietnam. Ben oui. Ben en fait, l'UQTR est partout dans le monde. L'UQTR est partout dans le monde. Ouh. Drummondville, là, c'est pas notre seul campus. Non, exactement. Il y en a même, je pense, à Longueuil, si je ne me trompe pas. Oui. Mais il y en a, en fait, il y a des étudiants, en fait, parce que c'est une collaboration entre l'UQTR et le Vietnam, et il y avait une première cohorte vietnamienne, donc, qui étudie au Vietnam, qui sont sous l'égide de l'UQTR, qui ont terminé leur parcours scolaire et la Zone Campus voulait souligner cet événement. Oui, exactement. Par la suite, on passe du côté de société. Gwendoline Lebeaumain nous parle d'un œil sur l'actualité internationale. Oui. Vous avez dit sexe faible. Ben oui, les femmes. Ben oui, les femmes. Évidemment. Hey, écoute, hein, c'est, un va pas sans l'autre. Sexe faible, femme, franchement. Hein? Exactement, ben oui. Hey. Tu veux-tu que je ferme ton micro? Après avoir dit du bien sur Lily Boisvert et juste ici, je suis une personne complète. J'élargis mon auditoire. On voit ça, David, on voit ça. Donc, blague à part, en fait, c'est que Gwendoline... En fait, il faut expliquer aussi qu'il sort quelques temps après la Journée internationale de la femme. Fait que c'est sûr que ça peut inspirer des chroniqueurs ou l'actualité aussi sur, concernant les femmes. Puis ça, c'est normal aussi parce que la bataille de l'égalité des sexes, c'est pas gagné, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, parce que la prémisse de la chronique de Gwendoline Julie, ça va vraiment... J'espère que ça va vous redresser les cheveux sur la tête. Sinon, ne nous écoutez plus, je sais pas. C'est, en fait, c'est à partir de cette citation-là, ouvre grand les oreilles. Les femmes doivent être... Et c'est pas moi qui dis ça du okay. tout. Les femmes doivent être moins bien payées que les hommes parce qu'elles sont moins intelligentes. Mm-hmm. Et ça, ça devient d'un eurodéputé polonais. Donc, à partir de là, ben, Gwendoline explique que partout dans le monde, l'égalité... En fait, entre les sexes ou encore le traitement réservé aux femmes, c'est pas de la tarte. Mm-hmm. Il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Exactement. Et elle donne plusieurs exemples. Tout à fait. Ça a fait comme le tour des réseaux sociaux, ce petit morceau d'article-là. Oui, ben... Mais pas nécessairement celui de Gwendoline, mais ce que lui a dit. Ah oui, c'est ça. Et j'espère que c'est pas nécessairement bien. Non, en effet. Par la suite, c'est Kevin Gaudreau qui nous parle entre les deux pôles. Le trouble obsessionnel compulsif. Oui, exactement. Donc ça, c'est un trouble qui fait en sorte notamment que tu vas répéter le même geste. Donc, mm-hmm. c'est un trouble qui finit par affecter ton entourage parce que, par exemple, ben, tu passes 15 fois par jour à te laver les mains d'une certaine manière ou quoi que ce soit. C'est, il explique vraiment ce trouble-là, mais notamment en milieu de travail, l'impact que ça peut avoir. Exactement. C'est parfois, c'est on s'en rend pas compte non plus hein, quand on a ça. Oui, ben comme moi, c'est de mettre quelque chose dans la bouche au niveau de la nourriture. Oui, c'est ça. T'as apprécié, j'ai comme eu peur, c'est le David. Un crayon des fois quand je réfléchis. Exactement, toujours en société. Anthony Morin, à son tour, nous parle des chants de l'amour. Oui, exactement, nous parle, en fait, quand on fait l'amour, des fois, on expulse du son. Oui. Donc, en fait, Anthony nous parle de la jouissance, mais est-ce que c'est parce que tu exprimes ta jouissance que c'est vrai ou pas? Ouh. Ou est-ce que tu es obligé de l'exprimer? Donc, ce qu'il explique, c'est que, en fait, c'est une question de dosage et de respect. Et de complicité, de dialogue, évidemment. Donc. De phéromones aussi, j'imagine. Ben, j'allais pas dire ça. Non. C'est, ben, peut-être. Je sais pas, aussi. J'ai pas encore lu l'article. Ben, en fait, c'est vraiment plus le côté humain, je dirais. OK, ouais, c'est ça. Que, il parle un petit peu le côté biologique, mais c'est vraiment le côté plus social. Ah, excellent. De la question. Mais c'est vrai, c'est un bon point que t'amènes, Tania. Probablement. En tout cas, je sais pas. Comme je te dis, j'ai pas lu l'article encore, mais. Je vais me pencher sur le sujet un petit peu plus tard aujourd'hui. Par la suite, c'est Jean-François Veilleux qui nous présente la partie numéro 5 oui. de Le Canada n'a pas 150 ans. Oui, exactement. Moi, je croyais que ça avait 4 parties, cet article. Ben, finalement, il y a 5 parties. OK. Ben oui, donc ça part en fait du rapport de Lord Durham qui fait suite aux rébellions des Patriotes. Donc, c'est un rapport qui est sorti en 1840 et qui, disons... prendre l'élimination de la culture canadienne-française. Donc, il part de là pour ensuite parler un petit peu de quelques années avant la fondation officielle du Canada. Exactement. Donc, c'est historique, 5 parties. Donc, il y a 4 autres parties que vous pouvez lire. Dans les archives. Oui, exactement. Parce que qu'est-ce que c'est que le Canada? Il y a plusieurs versions et Jean-François offre, en fait, sa vision des choses, qui est quand même assez intéressante. OK, oui. Par la suite, c'est la section art et spectacle. Oui. On parle du Salon du livre de Trois-Rivières, emprisonné dans un deuil à perpétuité. Oui, parce qu'on a envoyé Marc-Christine Perras en prison. Ah, mon Dieu! Oui, on l'a envoyée en prison et c'est elle qui voulait y aller en plus. OK. Oui, elle voulait aller en prison, Marc-Christine. Mais en fait, c'est que le Salon du livre organisait une activité qui s'appelle Entre les murs. Aha. Et l'invité conférencier, c'était Christian Tétrault qui parle de son dernier livre, Sarah et moi. Et Christian Tétrault, ce qui est particulier, c'est qu'il a parlé devant les détenus de okay. la centre de détention de Trois-Rivières. Et ça tout a l'air de s'être bien passé, mais c'est vrai que Christian Tétrault, c'est quelqu'un de très modeste par rapport à son œuvre littéraire. Donc, c'est ce qu'elle a expliqué, Marc-Christine, aussi, en dehors de l'article, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air d'être très, très humble, parce que lui, selon ce qu'il a dit, c'est qu'il se voit pas comme un auteur, même s'il y a quand même quelques livres, qui a eu beaucoup mm-hmm. de succès, qui a été reconnu en tant que tel aussi, là. Parce que Christian Tétrault, c'est un personnage médiatique qui est assez connu pour les 35 ans et plus, mais finalement qui fait carrière en auteur et qui semble, et une carrière qui semble lui réussir. En effet. Par la suite, c'est Marianne Chartier-Boulanger qui, elle, nous parle des quarts de finale des Mardis de la Relève. Oui, on en parle deux à la fois, donc parce que ça part toutes les deux semaines, mais oui. que les Mardis de la Relève, ça se passe à tous les mardis au Gambrinus. Il y a, je ne sais pas combien cette année qu'il y en a, mais habituellement, il y a 9 ou 10 quarts de finale. Oui, je pense que c'est 9 cette année aussi. Oui, pour ensuite avoir 3-4 demi-finales et avoir finalement, je me rappelle plus quoi exactement le nombre, mais ça dure jusqu'en fin mai. Donc, c'est quand même assez excitant parce que les quarts de finale, c'est divisé en blocs musicaux. Là, il y en avait deux, c'est-à-dire, en fait, un par soir, donc 14 et 21. Il y avait la soirée rock le 14 et la soirée plus funky le 21. Mm-hmm. Très intéressant. Judith Étier, elle nous présente le Québec une page à la fois par rapport aux auteurs d'ici au Salon du livre de Trois-Rivières. Oui, exactement. Et elle, en fait, elle parle surtout d'auteurs mauriciens. Notamment, il y en a deux qui s'illustrent, notamment Ariane Gina, aussi qui est étudiante au doctorat ici, et également Monique Juteau, qui est une auteure qui n'est pas nécessairement connue, mais qui est quand même assez reconnue aussi. Elle gagne plusieurs prix. Ariane Gilnas, c'est la même chose aussi, qui semble faire un petit bonhomme, son bonhomme de chemin et qui semble de plus en plus être reconnue comme auteur. On parle de l'exposition de la galerie R3. Marie-Christine Perra nous revient de prison pour nous dire qu'elle a mis en scène de la vie quotidienne. Oui, exactement. Donc, après la prison, c'est quoi la vie quotidienne? On dirait un épisode d'Unité 9, souvent. Hey, hein, pareil. Donc, j'exagère un peu, en fait. C'est l'artiste José-Louis Torres. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous, ben au bureau, on rush pour avoir des bureaux. Oui, c'est ça. Tandis que lui, ben il s'en va au sous-sol puis il trouve des bureaux pour faire une exposition. Oh, mon Dieu. Ben ça a l'air un peu... j'ai l'air amusé vraiment l'exposition, mais pas du tout. C'est vraiment fait des meubles qu'il assemble d'une manière de comment il conçoit les choses pour faire une exposition. Donc, c'est vraiment le mélange entre l'art contemporain et le quotidien. Puis, ça a l'air d'être vraiment intéressant comment c'était présenté. Excellent. Par la suite, on parle du temps qui n'est que voyagerie, voyage en douceur dans la vie d'Alphonse Piché. Oui, exactement. Le temps n'est que voyagerie. C'est un projet dont notamment notre collègue Marie-Christine Perra a pris part. Donc, c'est une pièce de théâtre qui mélange chant, poésie, danse, et ça retrace la vie d'Alphonse Piché, qui est un auteur de la région. Ah oui, je ne savais même pas. Ben oui, puis qui est notamment qui a gagné le prix du gouverneur général. Ah ah, voilà. Oui, il est assez renommé, M. Piché. Oh oui. Toujours dans l'art et spectacle, on parle des lundis d'improvisation de la Luître à la Chasse-Galerie, dernier match de la saison. Oui, parce que Marianne Chartier-Boulanger nous dresse le portrait du dernier match régulier, parce que la semaine passée, notamment, c'était la spéciale X-Men. Et là, je crois qu'on a commencé les séries, si je ne me trompe pas, mais Marianne nous parle du dernier match et c'était les Oranges contre les Bleus. Ouh! Match sans doute hyper rigolo. Probablement. Par la suite, Caroline Filion, elle nous parle du spectacle de Mathieu Fortin et qui, en passant, est satisfait. Oui, pourquoi il est satisfait? C'est qu'il a participé à Université en spectacle. Ça, c'est en fait un artiste ou un groupe ou un humoriste ou en fait, ceux qui ont gagné leur université en spectacle vont à cette finale-là et c'est pas en canadien. Je pense même qu'il y a des gens de l'Ouest du Canada qui ont été. Donc, c'est pas nécessairement québécois, c'est vraiment pas en canadien. Et Mathieu Fortin n'est pas nécessairement sur le podium, ce qui m'étonne parce que vraiment, ce qui veut dire que cette édition-là a dû, excusez-moi l'expression, mais torcher. OK. Parce que si Mathieu Fortin n'est pas sur le podium, pour l'avoir vu, parce que c'est un excellent pianiste, c'est même lui qui fait ses propres compositions. Ah oui, c'est un talent à surveiller. Eh bien, on va surveiller ça de près. Ben oui. Hey, écoute, on parle par la suite des chroniques d'une citoyenne du monde, Jules Verne, des temps modernes. Oui, parce que Alassania s'inspire en fait des journées multiculturelles du complice pour nous parler de sa maison à elle qui va regrouper plusieurs nationalités. Comment qu'elle explique ça? C'est vraiment très joli, c'est vraiment et très loin de la caricature. Oui, elle prend des éléments traditionnels de chacun des pays, mais c'est très loin d'être stéréotypé, là. Mm-hmm. C'est juste comment c'est raconté, c'est vous lirez. Ben en fait, ouais. Lisez tous les articles. Ouais, c'est ça. Faites juste lire le journal. Mais vous prenez congé le matin, vous levez, vous écoutez Tania. Après ça, ben vous écoutez la radio, la sécheuse, vous écoutez en trame de fond parce que c'est juste de la musique en tant que telle. Mais c'est de la très bonne musique, mais c'est de la musique. Donc, ben oui. Ça vous permet de vous concentrer pour les leçons de campus. Il y a Marie-Christine Perra qui, elle, nous parle du théâtre des gens de la place. Oui, exactement. Donc, c'était durant le salon du livre aussi. C'est une activité théâtrale qui était en parallèle et c'est en fait des petites pièces de théâtre qui met en vedette des femmes. Mm-hmm. Donc, c'était surtout un hommage aux femmes, mais aussi... il y avait des trucs originaux aussi là-dedans. Ça a l'air d'être assez varié, assez riche. J'ai pas pu y aller, mais ça m'intéressait, mais une autre fois. Mais malheureusement, tu n'as pas eu le temps d'y aller. Ben non. Disons ça comme ça. Pas que t'as pas pu, tu n'as pas eu le temps. Entre autres. Entre autres. Par la suite, on tombe dans la section des sports. On parle du championnat provincial de soccer, justement, avec Étienne Lebel-Michaud, des séries enlevantes. Ben oui, on parle encore des femmes. Ben oui, encore. Ben oui, encore. Ah. Il faut en parler des femmes. Ben oui, en effet, ben oui. Parce que, en fait, l'équipe... En fait, il y a eu les séries en fin de semaine. Il y a aussi, parce qu'on a deux équipes de soccer chez les Patriotes. Il y a l'équipe masculine et l'équipe féminine. Mm-hmm. Donc, l'équipe masculine, on sait que ça va quand même relativement bien. Ils ont quand même été en finale l'automne dernier, si je ne me trompe pas. Ou au moins en demi-finale. Et là, c'était le cas encore. L'équipe masculine a été en demi-finale, mais malheureusement, elle a perdu. C'est la même chose pour l'équipe des filles. Donc, chez les femmes, ils ont été en demi-finale, ils ont perdu, mais par contre, c'est une très grosse victoire pour l'équipe. Oui, tout à fait. Parce qu'elles sont parties de loin, si je peux dire ça comme ça. Donc, d'où leur droit d'être sur notre page couverture. Exactement. On parle aussi des Patriots cheerleaders. On parle de terminer la saison la tête haute. Oui, parce qu'ils ont terminé troisième. Ils ont très bien commencé. Ils ont commencé en première position. Après ça, ils ont terminé en deuxième position dans une autre compétition. Là, ils sont en troisième parce qu'ils ont quand même eu plusieurs... En fait, contrainte, je peux dire ça comme ça, il y a eu des blessures aussi, notamment. Mm-hmm. Mais l'équipe est satisfaite. C'est sûr que les entraîneurs auraient voulu, en fait, voir l'équipe plus haut, un peu plus haut dans le classement, mais il n'y a pas d'amertume ou quoi que ce soit, d'après ce que j'ai pu comprendre. Non, c'est ça, on est content quand même. Ben oui. On parle aussi du profil d'athlète de Gabriel Gianetto, un sport pour tous. Oui, pourquoi? Parce que Gabriel Gianetto, c'est... un athlète en cheerleading. Mm-hmm. Mais en fait, ce qu'il démarque des autres, c'est que lui, au collégial, c'est un joueur de football. Oh, d'accord. Et non de soccer européen, mais vraiment de football. Ouais, de football, là. Tu sais, le bon vieux foot, là. Ouais, et puis ça, c'est des amis qui lui ont dit, il devrait faire du cheerleading parce que, évidemment, à l'Équateur, il n'y a pas d'équipe de football. Donc, il s'est dit, ben pourquoi? Puis là, il a pris la piqûre du cheerleading. Mm. Puis là, ce qu'il dit, c'est que c'est un sport qui est encore plus physique que le football. Oui. Oui, quand même, parce que tu prends des... En fait, des gens qui pèsent... c'est pas vraiment des gens très lourds, en fait. Là, c'est des gens qui sont très en forme, mais quand même 85 livres, 90 livres dans tes bras, c'est quand même du poids. Ben oui, exactement. Mais puis on parle aussi de briser les fameux préjugés des gars qui sont dans des équipes de cheerleading. Ben oui, on parle des femmes aussi, mais du côté des hommes aussi, c'est important. En fait, faites ce que vous voulez dans la vie, que vous soyez homme ou femme. C'est ça. Soyez heureux. Bon, c'est si bien dit, David. La morale. On parle brièvement des Patriotes hockey, une reconnaissance amplement méritée. Oui, parce qu'il y a quatre athlètes qui vont vivre l'après-Patriote, mm-hmm. c'est-à-dire Guillaume Asselin, il y a également aussi Charles-David Baudouin. Donc Charles-David Baudouin, il y a également aussi Martin Lefebvre, le capitaine des Patriotes cette année. Et il y a aussi Jérémy Baudry. Les quatre ont eu un contrat chez les professionnels. Mm-hmm. Donc, ça finit bien pour ces quatre Patriotes. Bien, il faut dire que l'équipe des Patriotes ont souvent la cote dans les grosses équipes professionnelles. Oui, même si cette année, ça s'est pas aussi bien terminé que l'année passée, Non, mais, c'est vrai. Mais au moins, ça veut pas dire que les athlètes sont pas bons. Non, exactement. Non. Il faut mettre ça quand même de l'avant. Marc-Olivier Dumas, lui, nous parle des Patriotes volleyball, une saison sans faille. Oui, parce que c'est un bilan. En fait, c'est une autopsie de l'équipe de volleyball. Donc, Marc-Olivier nous fait le parcours résumé du volleyball et d'expliquer que vraiment, aucune défaite. Non, c'est vrai. Oui, ils ont perdu une manche, mm-hmm. mais aucune défaite. Non. Qui fait en sorte qu'ils ont gagné le championnat en plus de se retrouver au premier rang de la division 2 de la Ligue universitaire au volleyball. En effet, et aussi il y a Vincent Boisvert qui lui nous présente sa chronique « Le canicross, un sport de plus en plus populaire ». Oui, le canicross, c'est comme en fait du cross-country, mais avec pitou. Ah, oh, mon Dieu, OK. Oui, c'est qu'en fait, tu fais de la course avec ton chien, mais notamment dans les bois. Et mon Dieu. Aussi, c'est pas juste aussi courir en chemin en pleine banlieue, c'est vraiment... En fait, il y a plusieurs versions, si je me trompe pas, mais oui, c'est que tu cours avec ton chien, puis pas nécessairement dans la rue, là. Mais c'est très intéressant. Faut que ton chien soit à forme quand même aussi. Ben, toi aussi. Mais ouais, ton chien, peut-être qu'il est plus en forme que toi. Peut-être. Peut-être lui qui te rend en forme. Déjà, à la base, un chien, c'est pas mal en forme. Oui, exactement. Et c'est ça qui met fin au numéro 12. Oui, puis... Du Zone Campus. Oui, et je sais, tout est soufflé. Ben oui, pauvre David, on va te laisser le temps d'aller boire du café, de dormir aussi à la suite de ton gros travail d'hier soir. Mais tu voulais me parler d'une façon de faire du café? Ben oui, je remplis parce que comme moi qui est cheap et gratteux, sauf pour la nourriture évidemment, donc pour le reste, je suis obligé d'être gratteux à cause de ma relation avec la nourriture. Donc, comment faire du café cappuccino mais sans avoir de machine cappuccino? Ben oui. Comment qu'on fait ça? Ben, je sais pas, dis-moi donc. Ben d'abord, ça prend une espèce de bouteille de 250 ml en plastique. OK. Pas en métal, s'il vous plaît. Je vous explique le pourquoi après. Ouais, OK. Ou en aluminium. Encore moins en aluminium. Ah, d'accord. Donc, vous remplissez, mettons, 3/4 de lait. Donc, mm-hmm. Mettons, je dirais même les petites bouteilles Oasis, là. Je sais pas combien, je pense que c'est moins que 250. Ben, je pense que c'est 250, ben oui. En fait, vous remplissez à peu près le 2/3 d'une tasse. Mm-hmm. Mais dans une bouteille en plastique parce que ça va mieux après. Je vais vous l'expliquer le pourquoi. Là, dans cette bouteille-là, vous la laissez ouverte. Vous fermez pas le bouchon. Vous mettez ça 45 secondes au micro-ondes. D'accord. Après ça, vous remettez le bouchon et là, vous shakez. Donc, c'est pour ça qu'une bouteille comme ça, c'est pratique parce que ça va bien pour brasser. Mm-hmm. Donc, okay. Vous brassez ça pendant 45 secondes. Donc, c'est votre exercice de musculation. C'est ça. Pour mériter votre cappuccino. De la semaine. Ensuite, vous mettez ça dans un petit pot. Et vous assurez que dans ce petit pot-là, il y a un bec. OK. C'est important avec... Donc, je vous explique là pourquoi ensuite. Mm-hmm. Donc, vous versez ça et vous prenez un petit fouet et vous brassez. Mm-hmm. Donc, vous brassez le lait réchauffé au micro-ondes. Donc, vous brassez pendant 45 secondes. Donc, on fait encore des bras. Ben oui, c'est ça. On travaille, travaille nos biceps. Oui, exactement. Donc, vous brassez ça, vous brassez, vous brassez, vous brassez. En fait, le truc qui va le mieux, c'est que vous mettez le fouet entre vos mains mm-hmm. et vous faites de la friction avec vos mains. Okay. Parce que le pot est petit, fait que ça va mal plus brasser. Fait que le meilleur moyen, c'est de faire de la friction avec les deux mains, ayant le fouet entre les deux mains. D'accord. Donc, par la suite, là, vous pouvez mettre, si vous n'avez pas de couvercle pour verser ce qui est votre lait, vous pouvez mettre un espèce de carton n'importe quoi. Et le bec, c'est juste que ça va mieux pour verser dans votre café. Donc, vous mettez, mettons, le tiers de votre café et ensuite, vous versez le lait. Et là, vous attendez jusqu'à temps que la crème ne coule plus. Là, mm-hmm. après ça, avec la crème, vous prenez une cuillère et vous mettez la crème, puis ça fait du café au lait. Ouh, on adore ça! Oui, puis pas merci. Besoin de se ruiner. Ben non, c'est ça. Ben c'est oui. Si le fun. Ben oui. Merci beaucoup, David. Ben, ça fait plaisir. Au retour, on va être au téléphone avec Mathieu Plante. Yeah! Je vais pouvoir me défouler dessus. Non, c'est vrai. Ben non, c'est pas vrai, mais non. Quasiment. Tout ça dans la Sablage Reiki. C'est fou, les fous! 89. Dans ma vie, j'ai connu des hauts et des bas. J'ai eu des zéros et des A. J'ai reçu des gauches et des droites. C'est-à-dire des bauches maladroites. Mais je me souviens d'absolument rien. À part que j'ai jamais été bright et que j'aime caler des causes light. Et pour ma part, je considère que je suis mort depuis hier. Car j'étais fou de toi et j'étais fou de joie. Mais tu m'as trompé, c'est pour ça que j'ai dû te crisser là. Au fait que tu me dirais-tu si ça valut la peine, tu me dirais-tu si la la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Hey. Hey. Hey. Et j'ai appris à mes dépens que les lendemains de veille étaient tough. Et puis qu'apparemment que le soleil c'est un esti de show-off qui fait que les matins se meurent. Oh, lorsque vient de passer 11 heures, à cause de lui il fait beau. Puis à soir j'ai un show dans un bar. Je vais pouvoir faire mes chansons, je paye en bière de toute façon. Hey. Je vais pouvoir boire pour oublier sur le dos de mon employeur mes sentiments refoulés comme la poutine pis la peur. Et puis les filles sont jolies pis ma carte de crédit est complètement loadée à force d'essayer de tout vouloir les cruiser. Mais comment faire pour t'oublier? Hey, hey, hey. Oh, fait que tu me dirais-tu si ça valut la peine? Tu me dirais-tu la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne? Hey, hey, hey, hey. J'ai fait un gros feu de joie avec des photos de toi. Mais ce n'était pas tes plus belles, fait que prends les pas personnels. Anyway, j'ai gardé tes pics de chicks dans ma chambre. Je sais, c'est triste. Oh, et c'est dur à comprendre. Hey! Oh, mais le printemps a ben de la peine. D'ailleurs, j'ai perdu mes mitaines. Puis tout le monde dans le bar est un peu saoul. Puis dehors, il pleut des clous. Oh, fait que tu me dirais-tu si l'avenir nous réserve de quoi de beau? Oh, tu me dirais-tu, hey, hey, ce qu'annonce la météo? Tu me dirais-tu, Émile Bilodeau, dans Assemblage Requis ce matin. David Ferron est toujours avec moi en studio. Merci, David, de rester. Bien, ça fait plaisir. Tu restes, en fait, parce qu'au bout du téléphone, au bout de la ligne, il y a Mathieu Plante. Ben, Poisson, salut, ça va? Bon matin. Bonjour à vous, vous allez bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ben je suis un peu levé depuis moins longtemps que vous, mais quand même, ça va bien. Ça se ressent dans ta voix? Oui, c'est ça. Écoutez-vous, hein, j'ai des plans. J'ai pas pu encore vous écouter aujourd'hui. J'ai écouté tous les jours, sauf lundi et mardi de cette semaine, malheureusement. Mais demain, je vais être de retour chez moi. Comme j'ai dit hier, je suis dans un endroit top secret. C'est ça. Pas révélé. On n'a pas le droit de savoir où tu te trouves présentement. Absolument pas. Okay. Ce que j'ai le droit de savoir, c'est que je suis dans la cuisine. Ah, OK. Dans la cuisine, dans un endroit top secret. Est-ce que tu es comme dans une retraite fermée? Oui, exactement. Je suis chez les moines. Ah, c'est ça l'affaire. Je me demandais justement qu'est-ce qui se passait. C'est pas pour la gorge, c'est pour les chats grégoriens. OK. Oh. T'es chez les sœurs qui vont te réparer ton bras? Exactement, oui, ouais, c'est comme des petites fées. Exactement. Mathieu, tous les jours de la semaine, tu nous présentes un vocabulaire typique à ta situation. Est-ce que tu as des mots pour nous aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Donc, je vais rappeler quand même les mots que j'ai sortis depuis la semaine passée. Donc, ça s'appelle tranquillosé, Netflix and pill, reparessé, ménagéré, hyperventilation, vin et chômage, abuffé et oncle incarné. Et là, aujourd'hui, on est rendu à contresensus. Contresensus. Quand tu es de l'avis contraire du consensus. OK, oui. Ben, t'es à contresensus. Exactement. T'es pas à contresens, c'est à contresensus. C'est absolument ça. Et mon deuxième mot, c'est une expression que j'appellerais circonstance exténuante. Circonstance? Exténuante. À la place d'avoir des circonstances atténuantes, ouais. Hein, ben là, t'es épuisé. Donc, t'as des circonstances exténuantes. Ah, c'est pas fou. Je suis d'accord. Que ça, là, je vais retenir. Ouais. Oui, c'est pas pire. Et est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ces mots-là? Non, c'est top secret, ça. Ah, OK, c'est ça. C'est parce que ça vise l'endroit top secret dans lequel tu es. En fait, je vais t'en donner un exemple. À contresensus, c'est quand, mettons, tu manges un petit pudding au caramel écossais. Oui. Puis, ben, tout le monde te demande, ah, Caroline, j'étais curieuse de ça, ou curieux, de savoir qu'est-ce que ça goûtait. Fait que là, tu leur dis, ah, ça goûte, moi, j'étais sûr que c'était pas au caramel écossais. J'étais certain que c'était un petit peu à la tarte au sucre ou encore au biscuit graham. Ça goûtait vraiment ça. OK. Fait que, ben, j'ai dit ça à tout le monde, puis là, tout le monde était comme, ah, waouh, mais j'en veux. Ils sont allés s'en chercher. Et puis, finalement, c'était vraiment du caramel écossais. OK, donc il y a des gens avec toi dans cet endroit mystère. C'est peut-être des moines. Ah, c'est ça, c'est les moines. Les moines, ils ont le droit de manger? Ah, ben là, attends un peu, là, le droit de manger. Mais ça dépend de manger quoi, man. Faudrait demander aux moines. C'est ça. Quoi qu'ils n'ont pas le droit de parler, hein, c'est ça? Non, exactement. Ils n'ont pas le droit de rien faire. D'accord. Et puis le deuxième mot, l'origine de ce deuxième mot? Ben, les circonstances atténuantes, c'est vraiment parce qu'on m'a dit que j'avais des circonstances atténuantes qui faisaient que je ne pouvais pas faire certaines affaires dans la vie. Mm-hmm. Moi, j'ai dit oui, elles sont atténuantes et exténuantes parce qu'elles m'épuisent, tu comprends? OK, oui. Donc, c'est comme ça que ça en est venu à ça. On comprend maintenant. Mm-hmm. Dis-nous, est-ce que tu as des nouvelles de ta situation? Est-ce que tu sais si tu vas devoir faire beaucoup de physiothérapie? Quand est-ce que tu vas nous revenir? Est-ce que tu as des nouvelles? Ben, en fait, justement, ça vient un petit peu avec le contre-sensus. On dirait que tout le monde a un consensus contraire aux autres. Oh, il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était quelque chose qui était... si le médecin te prescrit la physio, que ça va être comme ça, puis tu présentes la physio, que ça ne coûte rien. D'autres disaient que, bon, le médecin pourrait dire, t'as un truc de physio, de compris, mais le reste, il faut que tu continues d'y aller par toi-même, puis tu te le payes. D'autres, que c'est peut-être qu'ils vont donner des exercices à la maison. Fait que je sais pas, mais j'imagine que si j'ai d'autres physios à faire, ça va être sur les heures de travail, j'imagine. Donc, je sais pas si le médecin va pouvoir me remettre en travaux légers pour pouvoir peut-être venir animer le matin, puis après ça, partir puis en physio. C'est ce que j'espère. Sinon, peut-être qu'il va me dire « faut que tu restes en arrêt de travail jusqu'à temps que tu sois complètement guéri » parce que je vais sûrement avoir le bras très, très... pas pareil comme l'autre à date. Il a l'air pas mal plus mou... D'accord, oui. Je sens en le touchant, là, il est pas mal, il est embourbé un peu. Donc, tu vas devoir y retourner probablement. Probablement. Oh, c'est pas bon, ça. C'est bon. Ankylosé, ouais, c'est le mot, ankylosé. Oui, c'est ça. J'ai vérifié parce que mon premier mot que je t'avais dit dans mon super vocabulaire de jeu de mots, c'était tranquillosé. Puis là, j'avais dit, c'est bon, c'est comme, t'es tranquille, tu prends du poids. Mais ankylosé, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire devenir faible. Hein. Oh! Le muscle devient faible. Ça, c'est ça, ankylosé. Ça n'a rien à voir avec les kilos. C'est pour ça que ça s'écrit A-N-K-Y-L-O. Ah, je comprends maintenant. Ouais. Est-ce que ce sont les moines qu'on entend parler derrière toi? Je croyais que les moines devaient rester silencieux dans leur... C'est le naturel et il revient au galop. Hein, c'est ce qu'ils disent, hein? C'est ça. Il y en a qui ne peuvent pas s'en empêcher. Ah, je vois. Donc, il y a des moines qui parlent. Oui. OK. Sinon, toi, ça va? Je voulais te demander une fois si tu avais déjà eu, toi aussi, un plâtre quelque part. J'ai déjà eu un plâtre, oui, au niveau du pied droit. OK. Oui, exact. Okay, à deux reprises. Ça t'a empêché de vivre, ouais. Ça m'a empêché de vivre, surtout parce que c'était l'hiver, puis là, je me ramassais les orteils à l'air. Je devais aller à l'école en même temps. Les béquilles, c'était pas super. Donc, je tiens à remercier mes parents qui me faisaient des lifts à tous les deux minutes pour que je puisse aller à l'école, que je puisse revenir de l'école et tout ça, parce que c'était assez difficile. Là. C'était dans les temps, justement, de... Si je me souviens bien, c'est dans les mêmes temps que présentement. Et quand on se souvient, quand on était jeune, il y avait quand même beaucoup plus de neige que ces temps-ci. Donc, c'était vraiment très déplaisant que d'avoir un plâtre dans la neige tout mouillé et tout dégueulasse. On peut avoir la neige tout mouillé. Oui, c'est ça. Tout mouillé, comment? C'est ça. Exactement, Mathieu. Qu'est-ce que j'ai manqué dans l'émission d'hier et d'aujourd'hui? Là, parce qu'il va falloir que je me retape là, ces émissions-là. Je vais les écouter, mais pas aujourd'hui. Non, c'est vrai. Écoute, hier, Dominique Mavungu nous a présenté ce qu'on pouvait faire du côté touristique en Afrique. Donc, il nous a présenté Casablanca et les alentours, quelques musées aussi. On a parlé de l'art, certains musées d'art qui se retrouvent là-bas. Donc, lui et moi, on a discuté quand même pendant un bon 30 minutes de, justement, certains endroits où on pouvait aller faire du tourisme en Afrique, où, justement, il y avait les endroits très, très, très touristiques et ceux que peut-être certaines personnes connaissaient moins, mais qui est très diversifiant si jamais on fait un voyage comme ça à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, bien, Véronique Mire nous a parlé du bonheur. Donc, tout à l'heure, elle nous a parlé des gènes du bonheur. Probablement qu'on aurait des gènes qui sont prédéterminés au bonheur en dedans de nous. Donc, c'était très, très, très intéressant. On a aussi parlé de l'origine du cockatiel. Cockatiel? Oh oui, les cockatiels. On a parlé avec un QU. Oui, c'est ça, exactement. On a aussi parlé de certains petits fast facts en santé, donc côté pilosité, côté peau aussi. C'était à certains moments très dégueulasse pour une émission qui commençait à 7h30. mais on en a quand même beaucoup appris. Et bien évidemment, aujourd'hui, Mathieu, t'as manqué probablement la chronique du Zone Campus qui décrivait ce qu'on retrouve dans le numéro 12 du Zone Campus cette semaine. Numéro 11, apparemment, pas même graphiste non plus. Là, on me remplace par deux personnes. Exact. David peut te donner un petit peu plus de détails. On a travaillé de fin de semaine et très tard hier soir. Salut Mathieu. Salut David. Vous avez fini à 10h30, quoi? Ben oui, on a travaillé très fort. Si on voulait, en fait, rendre hommage à ton grand talent, ben il fallait être digne. Merci. Ben, ça a bien été? Oui, sérieusement, avec Stéphane Dutrand. En fait, Stéphane qui a fait la maquette, a compris assez vite comment ça fonctionnait. Okay. Il m'a même montré un petit peu comment mettre des articles. Donc, j'ai acquis ton ordi. Donc, ton ordi, il a explosé. Ah ouais, ben c'est ça l'affaire, là, ça me fait peur, ça. Oui, exactement, puis il y a plein de virus. Présentement, l'ordi se promène, puis il court partout dans le studio. David est la seule personne qui peut trouver un moyen d'infecter un Mac. Oui, c'est ça. T'as tout compris, c'est de même, ça marche de son côté. Mais bref, l'autre gars qui était là à l'autre numéro précédent nous a fait fausse route, donc là, on a trouvé quelqu'un de nouveau. J'espère que cette personne-là n'est pas assez bonne pour que j'aille faire pour ma job. Je te dirais que t'as de la compétition, Mathieu. Ah ben, maudit. Mais il fait pas de... Ben non, prends ton temps, Mathieu, là, tu sais, ton temps, on n'est pas pressé, tu sais, faut que tu te reposes, pense à toi, tu sais, tu peux te casser même l'autre bras aussi, là, tu sais, il n'y a pas... Non, je dis n'importe quoi. Mais il fait pas d'aussi bon jeu de mots que toi, ça, c'est sûr. Ah, merci. Mais j'ai hâte de voir ça passer. La dernière fois, tu l'as mis sur le groupe Facebook, là, moi, je le vis que pour ça, là. J'ai besoin de voir ces informations pertinentes de l'UQTR. Ben oui, mais en fait, c'est sûr que Mathieu, on a très hâte que tu reviennes, mais c'est sûr qu'on espère que tu vas prendre soin de toi, faire tout ce que t'as. Je sais que c'est un peu laborieux, la physio et tout, mais tu fais... En fait, le meilleur conseil, c'est de malheureusement suivre exactement ce que les physios vont dire, le médecin aussi, mais je pense que t'es un gars assez discipliné et sage, donc je suis sûr que tu vas revenir la main haute. Merci beaucoup. Je suis la plupart des règles. Peut-être que la règle de ne pas gratter en dessous du plâtre, ça, je ne la suis pas nécessairement. Ah non, Mathieu! Mais personne ne la suit. J'ai envie de dire au médecin, « Hey, t'as-tu déjà eu un plâtre, toi? Ta gueule! » Bon, ben, en tout cas, c'est dit en monde, donc si ton médecin nous écoute, voilà, le message est passé. je prends des Benadryl pour essayer d'arrêter de la démangeaison, puis ça fonctionne quand même bien. J'ai réussi à mieux dormir cette nuit à cause de ça, ou grâce à ça. Ah, c'est donc ça. Ouais. Au moins, on t'a donné quelque chose. C'est ça. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que du côté de tes os, tu ressens du mal? Ça arrive des fois que ça fait mal. Pas tout le temps, là, beaucoup moins qu'au début, mais certains mouvements sont plus douloureux que d'autres. Ça passe. Là. Habituellement, je prends un Aleve ou quelque chose comme ça avec des Benadryl, puis ça fonctionne. Ben, tant mieux. Et je dors. Des fois, ça m'endort un petit peu, mais quand même, c'est pas grave. Ah oui, c'est sûr. Je m'endors là-dessus. Pas David, mais Mathieu, est-ce que tu veux que je te présente ce que tu peux écouter tout le long de la journée si jamais les moines sont intéressés par la radio? Si le poste se rend sur mon téléphone, oui, peut-être. Exactement. Donc, à partir de midi, tu pourras écouter connaître ensemble l'émission de périnatalité parce que malheureusement, on n'a pas de Mathieu Planchot en rediffusion à partir de 10h vu que tu n'es point là. Désolé. Par la suite, à 14h, eh bien, il va y avoir les palmarès, c'est fou. Je ne serai pas là, mais ça va être un décompte, donc vous allez quand même pouvoir voir les nouvelles entrées. Normalement, les mardis, tu as tout à fait quelque chose, hein? Oui, mais tu vois, tu as décidé de te casser le bras en même temps que je me suis inscrit à un cours. Gang de chokers. Tania et Mathieu sont des chokers. Mais non. Tania et Mathieu sont des chokers. Bon, je vais fermer son micro, lui. Par la suite, à 19h, tu vas pouvoir écouter Réanimation, l'émission de métal et horaire. 21h, Matière noire. Mais je pense que tu vas peut-être dormir, ou du moins les moines vont peut-être moins apprécier ce genre de musique, mais on sait jamais. risque d'être en voiture, en fait, parce que je reviens, je crois, en après-midi. Fait que ça se pourrait que... on sait pas, là, mais... Faut confirmer l'heure. Les routes sont tellement belles. Ah oui, c'est vrai, hein? Mais c'est ce qui met déjà fin à l'émission, Mathieu. Caroline. Ben oui. Merci d'avoir été avec nous en fin d'émission comme ça, à la va-vite. Ça fut très gentil et on se reparle demain? Oui, à demain. Excellent, à demain. Bye, Mathieu. David, merci à toi d'avoir été avec moi pour l'émission aujourd'hui, encore une fois, que ce soit pour le Zone Campus ou ta découverte de comment faire du café latte à la maison. Ça fait plaisir. Un jour, je vous expliquerai comment utiliser de la petite vache. Oh, de la petite vache, rien de moins. Pour laver un bain ou une douche, c'est fantastique. Ben oui, c'est sûr. Nous, on va se laisser en écoutant une nouvelle entrée du palmarès anglophone. On parle de Wondering de Xiu Xiu. Alors, on s'en va écouter ça dès maintenant.